Voici maintenant une compilation des meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou, diffusées tous les jours du lundi au jeudi, soit Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le Dîner de cons de 11h à 13h. Bonne écoute! Le courant passe! Bonjour Olivier Lessard. Bonjour Mathieu Plante. C'est le courant passe à la chronique sur les grands courants musicaux du monde. Ouais, grand courant, faut si y aller on vite. Veut. Ouais, ben ouais. On y va vite, ouais. On y va vite. Faut bien y donner une thématique à ta chronique, sinon c'est pas où on s'enligne. Eh, hey, c'est tout à fait où on s'enligne, même que je peux te faire un wrap-up des dernières semaines. Un beat-up wrap-up. T'as-tu une espèce de bruit build-up wrap-up? Oui, rap battle! Merci. Donc, Mathieu, première chronique, il y a de cela des décennies, je n'étais qu'encore tout jeune. Mm-hmm. Moi, j'étais fait une chronique sur l'Oregon. Là, par la suite, j'avais fait une chronique sur l'Abitibi-Témiscamingue, j'avais parlé du country. Ensuite, il y a eu comme un hors-série où je faisais un top 5 sur la musique pour étudier. Mm-hmm. Et là, je reviens dans mon concept car je ne veux pas trop m'y perdre trop longtemps. Et je fais ça aujourd'hui sur le hip-hop de la capitale, Québec. La ville de Québec. Oh. Mm. Ouais, c'est... Et encore une fois, des concepts, là, j'en ai, t'en veux-tu? Tu sais, moi, je fais ça, il y a une raison, là, c'est que la semaine prochaine, comme tu le sais, il y aura le Dôme, c'est fou. Oui, je savais ça, c'est vrai, ça. D'habitude, quand on te dit comme tu sais... Tu sais pas, mais là, tu sais pour vrai. Tu fais semblant de le savoir. Ah, ben oui! Ah non, il est honnête, il dit quand il sait pas quelque chose. Très transparent. Oh, oui. Dans mon ignorance. Je pense qu'on n'est pas à TV, parce qu'on verrait juste le décor. C'est ça. et donc, Dôme, c'est fou, il y a quand même des gros noms. Là. Ça va être un événement sans précédent. Moi, je fais encore de la promo pour C'est fou, mais... C'est les qualificatifs, les adjectifs derrière ça, c'est sans précédent. C'est l'expérience ultime. C'est ouais. Vous allez tomber en bas de votre chaise. Exact. C'est on met la barre haute. C'est incroyable. Incredible. Et parmi ce Dôme, c'est fou-là, il y a une soirée particulièrement, moi, qui me fait capoter. C'est la soirée à la clan ensemble, Lord Larry et Just. Et comme vous avez peut-être pu remarquer, là, dans la dernière année, il y a comme un gros trip hip-hop au Québec. Là. Il est sorti beaucoup de trucs. Dead Obies, Eman Blooper, Lord Larry et Just, qui ont sorti comme des CD en même temps. Ce qui faisait en sorte que les trois, tout le monde s'y est procuré. Je dirais que c'était prévu que les trois sortent ensemble pour créer... Un mouvement de masse. C'est pas mal le terme que je voulais dire, en tout cas. Et là, moi, j'ai décidé, par ma connaissance infuse, de vous faire comme un petit wrap-up d'où on en est. Là, je vais parler de la ville de Québec, mais nécessairement, je vais déborder la ville de Québec. Okay. Je vais m'en aller un peu plus loin, c'est à 40. Je vais me rendre à Montréal. un petit arrêt Washington. Un petit arrêt Washington. et c'est ça, fait que je commence en te parlant de l'histoire du hip-hop là, québécois, à la base. Okay. Hip-hop québécois, là, les débuts, faut savoir que ça volait pas nécessairement haut. Parce qu'à chaque fois qu'on voit des émissions, qu'on entend parler des gens du début du hip-hop québécois, ils reviennent toujours au rap-a-billy de Lucien Francoeur. Hey boys. Le rap à qui? Le rap à quoi? Billy! C'est passé quelque chose d'autre là depuis. Ben, j'espère bien. Puis moi, je trouve ça un peu déprimant là, parce qu'on est loin des débuts du hip-hop au Bronx avec NWA. Là, ouais. Mais c'est ça. Ça s'est passé début 80. Là, c'était comme les premiers balbutiements. Là, puis on n'aurait pu pas les entendre, ces balbutiements-là. Ça n'aurait pas été si grave. Mm-hmm. Mais balbutiement, il y a eu. Ça comparait. Et évolution, il y a eu après. Donc là, on a eu un autre grand chef-d'œuvre qui est celui de KCLMNOP. C'est québécois, ça? Ouais, c'est québécois. C'était un ancien VJ de Musique Plus dans le temps que Musique Plus était vraiment nice. Oui. Il chantait. Ça fait longtemps, ça. Ouais. Une dizaine d'années. Au moins. Il faisait, et là, je sais pas si je peux le dire à la radio, là, mais ta gueule, vis ta vie puis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie puis reste en vie. Je confirme que oui, tu peux le dire, ça. Ça okay. Va. Mais encore là, ça volait pas haut. Et plus tard, il y a eu Dommatic. Dommatic, là, enfin, on avait de la matière. C'était bon, ça. Mm. Mais c'était très, très, très inspiré du rap français. Okay. Quand même. Dommatic, on se souvient, il faisait la chanson de Deux Frères. Oui, l'intro à l'émission avec des jeunes frères. Exact. Ouais, pas ouais. Daniel Thomas qui était là-dedans. Je pense. Ouais. Pas. C'était qui l'autre, là? Il y avait du monde qui jouait la Ramdam là-dedans. Ça. C'est-tu ça? Ouais, mais c'était quand même un peu plus. Ils jouaient Ramdam là-dedans. Ramdam. Ils étaient mêlés dans leur scénario. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas rapport. Regarde la caméra. Puis... Ouais. C'était le début de l'âge adulte des acteurs de Ramdam. C'est parce qu'il me semble que c'était rough quand même. Comme, ouais, c'était quand même rough. Ouais. Comme rough. Émission. Rough. Et là, j'en viens à la deuxième étape. Là, plus tard, là, 90, là, 98, 99, dans ces bouts-là. Okay. Là, il a commencé à avoir vraiment beaucoup de bons rap à Montréal, dans la métropole. Puis, ce mouvement-là est nécessairement resté dans tout ce qui se fait aujourd'hui de rap. On parle, entre autres, de Sans Pression. On parle de Funky Family, Mozaïen, Rainman aussi, à l'époque. Et à Montréal, là, ce que moi, je remarque, là, c'est que c'était beaucoup plus gangster. On y allait plus vers le courant rap gangster. Puis quand même, à Montréal, ça peut être propice à ça, parce qu'il y a des quartiers qui sont un peu plus défavorisés, qui ont plus de problèmes sociaux. Ça, c'est dommage, mais ça donne du bon rap. Il y a du positif dans tout. Il y a du positif dans tout, voir le bon côté des choses. Et peut-être, là, on pourrait se lancer tout de suite avec un extrait pour que vous compreniez ce qu'il y en est. C'est « Derrière mon sourire » de Sans Pression. Ben oui, avec plaisir, on écoute ça dans le courant en part sur les ondes de C'est Fou. 360 degrés de réalité. Chose de rare dans le secteur. Je rêve pas, puis j'exagère pas, puis osse pas cause du vergle. Le monde sont froid gelé, la zone est sinistrée. Peu importe où tu vas, le quotidien est tourmenté. Les homicides, suicides, voilà l'étalage. Menace de mort, yeah. Violence conjugale, fais attention à qui tu blagues. Y'en a plein qui le prennent pas, puis si quelqu'un te regarde trop croche, c'est peut-être pas, mais dans le QDC, c'est plein de fuckers. Car même pour des props, sont prêts à du shot, man. En campagne autant que des ruelles d'MTL. Je le constate à chaque fois que j'écoute les nouvelles. Trop de haine, ça vaut même pas la peine. On blâme le système, mais mes plus gros fucks avec des frères. Après tu te demandes pourquoi le monde sont pas solidaires. Dans ma communauté, car c'est là que ça pète le mieux. Vagabond, c'est à quoi j'ai l'air. Si je te donne, c'est merde. Change de station et stade dans ce monde. Mais je garde mon équilibre dans le territoire hostile. Les projectiles filent, c'est pas de shit. Tout le monde a couru. Backstab, des fois on dirait que j'étais un habitant de la banlieue de Bagdad. Colère derrière mon sourire. Quand j'suis à mon 10, plus fou que la folie, pis ça me dit rien d'autopsie. Parle-moi de ton mode de vie, puis moi je te dirai ce qui est arrivé. Les rues sont animées. C'est pas juste des mots, c'est l'actualité. C'est pas juste des mots, c'est l'actualité. Sans Pression est derrière mon sourire, dans le courant passe. On parle de rap québécois avec Olivier Lessard. On s'en rappelle. Ben oui. Donc, ce que je disais par rapport à cette chanson-là, c'est que ça représentait un courant qui était assez. Qui était rough, qui était gangster du hip-hop montréalais des années 90. Et par la suite, ou à peu près en même temps, là, est arrivé plus à peu près le même courant, mais dans la région de Capitale-Nationale, okay. À Québec. Et là, plusieurs se souviendront du groupe mythique 8-3. 8-3 Tactica. Eh, Seigneur! C'était devenu un gag chez nous. Ah ouais? Ouais, quand on disait quelque chose, c'était 8-3. Ça, c'était vraiment hot, mais avec beaucoup d'ironie. Ah ben... On n'a pas trippé. Non. Ah ouais, hey, ben, en tout cas, dans notre famille, là, on a capoté. Ça, c'était 8-3, comme ça, c'était vraiment hot, là. Ouais, non, 8-3, c'était hot. 8-3, il n'y avait pas personne qui touchait à ça. Mais avec un certain recul, c'est sûr qu'on se rend compte que 8-3, écoute les paroles, tu sais, c'est... Mettons qu'il essaie beaucoup d'être gangster, okay. Puis ça l'est pas tant que ça. C'est un peu wannabe gangster. Ben, c'est ça. Puis nécessairement, c'était influencé par ce qui se passait à Montréal. Puis là, il y avait du vrai hip-hop de gangster. Puis les, tu sais, sans pression, il y avait des raisons de faire du hip-hop de gangster. Mais les gars de 8-3, il y en avait absolument pas parce que. Ah non, moi, là, ça, c'est détaché. Exact. Mais. En fait, tu sais, s'il serait venu, il y a certains quartiers à Québec qui sont plus rough que d'autres, mais eux venaient de Lévis. Tu sais, Lévis, là, à part un Saint-Hubert. Non, mais Lévis, c'est une super belle ville, ouais. Je sais le préciser, mais c'est pas tant gangster. Lévis, là. C'est la vie. Genre de rap, là, tu sais. Ouais. The rhymes. Fait que Lévis, Rive-Sud, 418, yo! moi, c'était toujours particulier d'entendre 418 parce que c'est aussi mon indicatif régional par chez nous, tu sais. Fait que il y a un mélange de fierté puis il y a un mélange de perte de crédibilité. De honte, un peu, ouais. Non, pas de honte, parce que j'oserais jamais dire que j'ai honte de 8-3 parce que ça a quand même bercé mon enfance et mon adolescence, finalement. Et, mais là où je veux en venir, là, là où je veux en venir déjà. Je crois dire que tu as des formules mathématiques sur ta feuille, disait Stéphanie Paradis tantôt. Ouais, c'est effectivement. Là, c'est un peu complexe. En fait, là, ce que je veux vous dire, c'est qu'à Québec, plus tard, dizaines d'années plus tard, okay. En fait, dans les années 2000, c'est quand même beaucoup plus tard, et t'as payé un groupe qui s'appelle Mauvaise Herbe. Je sais pas si. Jamais entendu. Mauvaise Herbe. Mais vous avez sûrement entendu parler de certains des rappers qu'il y a là-dedans. Parce que Mauvaise Herbe, c'est un collectif de 8 rappers. Et c'est là qu'arrive mon espèce de schéma que vous, à la maison, ne voyez pas. Une chance. Mais qui est quand même intense. Je me suis forcé à faire ça hier. Dans le fond, Mauvaise Herbe, c'était Eman, Bégin, Kenlo, Karim. Peut-être que vous allez en reconnaître. Mais c'est combien de personnes à date, ça? Là, j'en ai 4. Okay. Il y avait Mash, Tom, Bugat, Habitbox. Et de ça est arrivé plein d'autres projets qui aujourd'hui sont super présents sur la scène musicale. Je vous en nomme quelques-uns. Eman Bégin est devenu Acrophone un peu plus tard. C'est tous des gens de Québec d'ailleurs. Acrophone avec Eman et Bégin. Si tu rajoutes Mash et Tom, qui ensemble étaient les deux Tom, ben là ça donne à la claire ensemble. Que tu rajoutes le 1 en haut que tu as soustrait du... avec le X égale... Exact. Okay. Si tu fais cette formule-là, c'est à la claire ensemble qui aujourd'hui révolutionne le milieu rap. Il y avait Kenlo aussi qui est dans la claire aussi. Eman plus Vlooper, là, ça donne Eman et Vlooper. Tu divises par Pi. Ouais. Pi, Karim Ouellet qui est venu en solo, mais à l'époque, il faisait du hip-hop. Okay. Claude Bégin qui imite Karim Ouellet, ça compte pas. Ah ouais, mais Claude Bégin, lui, était surtout un beatmaker, fait qu'il a fait beaucoup de musique pour Karim Ouellet. Ah, c'est pour ça que ça ressemble! Ben, c'est ça. Ah ben voilà, je c'est peut-être Karim, finalement, qui a copié. Peut-être! Ben, en fait, moi, je dis que c'est Bégin qui a fait les deux, là. Fait qu'il y a personne qui a... Ben, Bégin s'est autocopié. Il y avait une piste là-dessus, là. Il y a une bonne piste. Il fallait juste le demander à un expert. Exactement. Te voilà. Et c'est ça. Puis là, ce que je voulais en venir, encore une fois, avec ça, c'est que... à ce moment-là, Mauvaise Herbe, on dirait qu'à Québec, ils se sont dit, ben, on n'est pas obligé d'être des gangsters pour faire du hip-hop. Non, c'est pas obligé d'être ça. C'est pas obligé d'être ça. Et là, mes hypothèses ne seront peut-être pas appuyées, mais moi, j'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, on a comme accepté dans le milieu qu'on pouvait faire du hip-hop sans être gangster. Et ça donne comme ça que depuis une couple d'années, là, il sort de plus en plus de nouveaux bands hip-hop qui sont pas... Ben pour vrai, il était temps. Là. Ben oui. Parce qu'en tant que tel, là, le faux hipster, faux gangster, ça attire personne. Faux hipster, ici, c'est quand même un beau... Faux hipster, non. Ouais, ça va ensemble pas mal, hein, c'est ça. Mais puis là, nécessairement, je sais bien que les nouveaux artistes hip-hop sont pas nécessairement influencés par Mauvaise Herbe. Là, il y aurait une analyse sociologique un peu plus poussée que ça à faire pour en arriver à cette conclusion-là. Mais c'est la mienne, bien personnelle. Et moi, dans la vie, je fais des liens. Puis là, je me dis, tu sais, même Lord Larry Adjust, qui est un band qui vient de Montréal, est pas tant gangster que ça non plus, tu sais. C'est des gars qui viennent plus de la banlieue, d'après moi, que de centre-ville de Montréal. Et c'est très bon. Pour ça, moi, je déclare que la ville de Québec est un berceau du hip-hop québécois. Cool, c'est une théorie, ça. Voilà. C'est une théorie. Théorie. Ouais. Ça c'est émotif, tu sais, c'est pas vraiment une théorie, là. C'est comme un sentiment que... Ah, une question de feeling. Question de feeling. Comme disait l'autre. Mais moi, je crois ça. Détroit, Rock City, Québec, ville du hip-hop. OK. C'est bien dit, ça. Ça se finit comme ça, la chronique. En fait, ça se finit pas de tête comme ça. On va mettre une chanson maintenant. Oui. Hey, je vous ai même pas mis de chanson de mauvaise herbe, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on met les deux? On a le temps. On peut se quitter avec les deux. Je t'offre ça. C'est une offre d'une durée limitée. Là, je suis en train de parler d'Ala Claire. Fait que tu peux mettre. On commence avec Ala Claire, ça te va? Saint-Roch d'Ala Claire, et après ça, tu verras, ce sera ton émission, et moi, je serai quitté pour déjeuner et boire mon café avant d'aller à mon cours. Un petit costaud. Et ouais, un petit costaud. Cool. Et d'ici là, moi, je vous souhaite une très belle semaine. Hey, gang. Toi aussi. Gangster. Oh. Gangster. Et on se voit ce soir à l'improvisation. Oui. J'y serai avec mes tables tournantes. Wiki, wiki, wiki! C'est Olivier Lessard et le courant passe. Bonne semaine, bye! Voilà. Ah, je vais mettre de l'argent dans le jukebox. Dans le black comment. Bienvenue à Saint-Roch, où c'est que le monde des tiges trois quarts club. La capitale du Québec mince dans le bas, ben loin de Santa Barbara. Ça dépense pas plus que zéro par mois. C'est la climatisée même dans les pires vagues de chaleur. Encore lisse, même s'il y a pas gros bambou là en ville. Y'en a qui me rend compte que ça palisse. La prochaine a plein de sang, ça débarque du pot du fleuve d'un van pas. Ça finit les yeux tout glissés comme un roachman à Bangkok sur le pot de bord. Ancien Québec, frais comme un Kool-Aid. Si tu t'es dev from a set, hey, c'est too late. On est sur l'international dans un toupet. Les avions sont en papy. Guess what, jeune papy? On est fresher than bully. Snowman, ready, jeune poulet poigné sans son billet pour les abattoirs. On fout la marde dans les délits, puis nos bellies sont call out comme s'il y avait déjà fini de chiffre à soir. Les têtes d'eau finissent en manteau, et non tête des Gino qui vient tinto dans le pinto. Emmanuel Maes, great digging, un no remix à la Claire Fontaine Brigitte. C'est rock, Bob Nair, Cap Eloquent, Saint-Joseph, Bibliothèque Gabriel, le Roy enchaîne les grosses dettes. T'as jamais ramené tes livres dans les coins de la Browseville. Les gens normaux sont des cheese, les témoins se tiennent tranquilles. Les gens normaux ont des peace. Chillin' sur la rue du Pont Steez, rollin' up du ton weed, stackin' up du bon cheese, rock'n'roll funky, cinéma genre rest in peace. Quand j'étais petit, j'allais là-bas, pas fait du green, du rock movie. Light un gros tissant. Juste devant chez Joe Dion, coin de la patate. Studio de rap kept dans un appart. L'underground de Saint-Roch en dessous de la marche. Juste sur le track, don't like it, pluck it up, but a cop. Je viens pas de Saint-Roch, and I don't give a fuck. Je viens de place de Montréal, similaire à Saint-Roch. Puis j'y prenais souvent des marches ou le boss quand j'habitais proche. Mais you know, assis sur 20K, jeune tout le temps sur Maguire. 8 années passèrent, des nouveaux nice stores, mais plein de monde cassé. Non, pas plein de bizarres prostitutes, always on tour. En temps de guerre, y'a plus de bière, jet au Sonerco. 24-7 son, on hustle fort. Toujours à la quête de dinero. Tu pensais que je connaissais pas le nord? Ça s'est avéré faux. Kick la porte, puis wait le popo. Charge au Guerino, après je kill des hosties de rivaux. Puis je libère toutes les people dans les prisons sauf les evil. Y'aura pas de mini-sequel quand je free fall pour un giro. Puis que je bother personne, mais tout le monde agit sinon. Aide au boom-bap dans un coin du faubourg. Cherche une table pour faire tourner mon premier 33 tours. C'est un single de funk avec des solos tambours qui deviennent magiques quand on les laisse jouer en loop. C'est un concept simple, mais l'énergie vient de là. N'importe quel chemin que t'empruntes, tu peux le reprendre plus qu'une fois. Ce qu'on a démonté hier, aujourd'hui on le reconstruit en gardant les meilleurs morceaux pour former de quoi de solide. Trouver la loupe, c'est comme un peu n'importe quoi. C'est comme l'amour, tu l'attendais pas, c'est elle qui est tombée sur toi. Le parfait mélange entre deux éléments, la chimie naturelle qui fait danser les filles autour de toi. La musique, c'est pas compliqué, on veut l'écouter. Même quand je la sonne, pense que ça me donne pas le goût d'en découvrir. J'ai pu créer avec l'héritage de mes parents. Maintenant que je l'ai tout passé, va falloir que je retourne au magasin. Un pied dans la porte, je demande, avez-vous un vinyle de son québécois? Ils me répondent, oui, on en a un. Avant qu'ils me le montrent, je savais déjà c'était quoi. Un certain George Thurston, né orphelin, mais qui a tenu à dire qu'il est amoureux dans chacun de ses refrains. Oh. Aimes-tu la vie comme lui? Pensez deux secondes. As-tu compris ce qu'il te dit, esti? Oh, je me sens tellement bien. Chaque fois que le loup repart, j'ai l'impression que c'est pas le même. Oh, je me sens tellement loin. Chaque fois que le loup repart, j'ai l'impression que c'est pas le même. Yeah, des grosses aiguilles sur Sion, le monde tourne sur 33 tours. Pour l'échantillonneur, y'a pas de test du son. Mémoire du musicien, à travers les couleurs d'une vague. Découpe les notes terribles d'une nouvelle âme, s'évade. Bougarde frappe les pads de son Wakai 2000. Puis la machine me parle comme K2000. Caressant ses EQ pour la rendre plus belle. Et distorsionne les drums pour qu'ils sonnent poubelle. Yeah. Une caisse claire seule, au début du morceau marque l'arrêt. Je la présente aussitôt à cette boucle parfaite. Oh, j'en ai fait le couple parfait. Remélanger du blues et le thème de Star Trek. Rare comme une rockstar grecque. Un bon break de funk que personne n'aurait jamais cut. Gros kick à la rescousse, mort à l'hameçon. C'est le son qui nous laisse tous morts. Oh, je me sens tellement bien. Chaque fois que l'on prépare, j'ai l'impression que c'est pas le même. Je me sens tellement loin. Chaque fois que l'ouvre repart, j'ai l'impression que c'est pas le même. Dans un coin du faubourg, cherche une table pour faire rouler mon premier 33 tours. C'est un single de funk avec des solos tambours qui deviennent magiques quand on les laisse jouer en loop. C'est un concept simple, mais l'énergie vient de là. N'importe quel chemin que t'empruntes, tu peux le reprendre plein de fois. Pense-y, dire que Mad Libre, simple et beau dommage. Tiens, je te laisse le faire avec mauvaise herbe. J'ai l'impression que c'est pas le même. Oh, je me sens tellement loin. Chaque fois que l'on repart, j'ai l'impression que c'est pas le même. Mauvaise herbe et le loop. Dans le coup en passe avec Olivier Lessard, Vincent L'Entendu, avec Claire Ensemble et Saint-Roch. Ça, c'était du bon hip-hop, je trouve. J'aimais ça, moi, j'ai vraiment. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons. Un certain midi cette semaine. Je vous parle de Bip Bip, du Roadrunner et puis du Coyote. Hein, c'est comme ça. Pourquoi il pogne jamais? Voici les 9 commandements du créateur de la série qui fit refond surface. Donc, il y a une bonne raison pour laquelle Bip Bip n'a jamais fini dans l'assiette du Coyote. Le grand Géocoucou bleu, héros du dessin animé et membre de la famille des Looney Tunes, le Roadrunner, eh bien, partait avec plusieurs atouts dans sa manche. 9 commandements édictés par le créateur de la série, Chuck Jones, qui ont refait surface via Twitter il y a quelques temps. Donc, le Coyote pouvait inventer des stratagèmes les plus loufoques ou élaborés. Il n'avait aucune chance. Le réalisateur Amos Posner a partagé sur le réseau social une page de l'autobiographie de Chuck Jones qui se nomme Chuck Amok, The Life and Time and Animated Cartoonist, publié en 1999. Eh bien, toujours fasciné donc par les règles de Chuck Jones pour Bip Bip et le Coyote, c'est génial d'écrire des personnages de manière si claire et concise. Donc, les 9 commandements, les voici. Le premier, c'est Bip Bip ne peut blesser Will Coyote autrement qu'en hurlant Bip Bip. Donc, le Roadrunner ne peut pas le blesser Will Coyote, mais c'est Will Coyote, là. Donc, il a juste le droit de faire Bip Bip. Aucune deuxième commandement, eh bien, aucune intervention extérieure ne peut blesser le Coyote, seulement sa propre incompétence ou la mauvaise qualité des produits Acme. On se rappelle, hein, il faisait toujours venir des trucs de chez Acme. Hein? Le Coyote pourrait s'arrêter à tout moment. Hein? Troisième commandement, s'il n'était pas aussi fanatique. Rappel, un fanatique est une personne qui redouble d'efforts lorsqu'il a oublié son objectif. Quatrième commandement de Bip Bip et du Coyote, eh bien, jamais de dialogue excepté le légendaire Bip Bip. Le Bip Bip doit aussi rester toujours sur la route. Il est toujours sur une route, le Roadrunner. Sixième commandement de Chuck Jones, eh bien, toute l'action doit se dérouler dans l'environnement naturel des deux personnages, soit le désert du sud-ouest américain. Tout septième commandement du Coyote, eh bien, tout le matériel, outils, armes ou équipements mécaniques doit absolument provenir de chez Acme Corporation. On devrait l'ouvrir, ça, le Acme Corporation. Hein? Huitième commandement, dès que possible, la pesanteur est l'ennemi juré du Coyote. Souvent, hein, on le voit qui flotte sans se rendre compte que tout d'un coup, oh, il est en train de tomber. Et neuvième commandement, le Coyote est toujours plus humilié que blessé par ses échecs. Donc, l'important, c'est plutôt de le blesser dans son fort intérieur plutôt que physiquement. Un carcan qui aura servi le comique de répétition du dessin animé depuis sa création en 1949. Sa diffusion en France pendant l'émission Sac Cartoon, Chuck Jones s'est inspiré du livre de Mark Twain à la dure pour inventer les deux personnages. Pardon. Faut pas oublier, pardon, je suis encore sur un restant de mon beau vieux grume, un mélange entre une grippe et un rhume. Et là, je vous envoie les 10 dessins animés à consommer français. Donc, c'est des films d'animation qui ont été faits du côté de chez nos cousins. Premier film à absolument voir en animé français, si vous aimez bien sûr les dessins animés. La plupart sont en 3D, là, animés par ordinateur. Il y a Chasseur de dragons en 2008. Comme petit résumé, c'est Guizdo et Liang Chu, les deux héros sans envergure de cette histoire, rêvent d'une vie meilleure alors que leur univers médiocre est peuplé de dragons affamés. Or Zoé, la petite nièce du seigneur Arnold, compte sur eux pour affronter Bouffe-Monde, la plus redoutable des créatures. C'était Chasseur de dragons en 2008. Sinon, en 2014, Minuscule, sans nous rappeler Fourmise ou autre petit film d'animation avec des insectes. Ça se passe dans une paisible forêt. Les reliefs d'un pique-nique déclenchent une guerre sans merci entre deux bandes rivales de fourmis convoitant le même butin, une boîte de sucre. C'est dans cette tourmente qu'une jeune coccinelle va se lier d'amitié avec une fourmi noire et l'aider à sauver son peuple des terribles fourmis rouges. Autre film d'animation à saveur française, eh bien, c'est Aya de Yupogon. À la fin des années 70, en Côte d'Ivoire, à Yupogon, quartier populaire d'Abidjan, c'est là que vit Aya, 19 ans, une jeune fille sérieuse qui préfère rester étudier à la maison plutôt que de sortir avec ses copines. Aya partage ses journées entre l'école, la famille et ses deux meilleurs amis, Adjoua et Blintou, qui, elle, ne pense pas qu'à aller gazer en douce la nuit tombée dans les maquis. La chose se gâte lorsque Adjoua se retrouve enceinte par mégarde. Oh, quand même, hein? On voit ici des sujets vraiment différents de ce que Disney nous propose. Il y a Ernest et Célestine dans un monde conventionnel des ours. Il est mal vu de se lier d'amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et musicien, va accueillir chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui le monde souterrain des rongeurs. Ces deux solitaires vont se soutenir et se réconforter et bousculer ainsi l'ordre établi. Ça, on voit ici, c'est bien. Le coup de crayon est vraiment intéressant. Un petit côté un peu plus brouillon, moins de perfection là, que la fameuse animation par ordinateur. Ici aussi, toujours en 2D, c'est Le chat du rabbin, sorti en 2011. Alger, à la fin des années 20, le rabbin Svar vit avec sa fille Zblaya, un perroquet bruyant et un chat espiègle qui dévore le perroquet et se met à parler pour ne dire que des mensonges. Le rabbin veut alors l'éloigner, mais le chat fou amoureux de sa petite maîtresse est prêt à tout pour rester auprès d'elle. Le chat du rabbin en 2011. Sinon, en 2012, un dessin animé en noir et blanc, ça s'appelle le Persepolis, c'est français. Ça se passe à Téhéran en 1978. Marjan, 8 ans, songe à l'avenir et se rêve en prophète sauvant le monde. Choyée par des parents modernes et cultivés, particulièrement liés à sa grand-mère, elle suit avec exaltation les événements qui vont mener à la révolution et provoquer la chute du régime du Shah. Hein, on voit vraiment des dossiers, des sujets tellement plus intéressant, tellement plus profond que ce que Hollywood ou Pixar nous propose. Hein? Oui, c'est du bon divertissement, mais il n'y a pas souvent très, très de profondeur. Là, ici, on voit vraiment des sujets beaucoup plus enrichis, beaucoup plus profonds, beaucoup plus, je dirais même, adultes. La prophétie des grenouilles, ce film d'animation sorti en 2003, c'est un nouveau déluge qui s'abat sur Terre. Seule une petite troupe hétéroclite menée par Ferdinand, le Noé d'aujourd'hui, parvient à défier les éléments qui se déchaînent dans la démesure. Humains et animaux sont entraînés dans le tourbillon d'une aventure rocambolesque. La prophétie des grenouilles de 2003. Toujours dans les 10 dessins animés à consommer français, eh bien, les triplettes de Belleville en 2003. L'idée de génie que Madame Souza, en offrant un vélo à son neveu, alla bien au-delà de ses espérances. L'entraînement, une alimentation adaptée et le Tour de France n'étaient pas loin. La mafia française non plus, qui repérant le futur champion cycliste, l'enlève. Madame Souza, accompagnée de 3 vieilles dames, les triplettes, devenues ses complices, devra braver tous les dangers dans une course-poursuite ébouriffante, un film absolument à voir. Sinon, en 2013, Oggy et les cafards. Depuis la nuit des temps, deux forces s'affrontent, un combat perpétuel, total et sans pitié. Un combat dont nous soupçonnions même pas l'existence. Malgré sa férocité, le choc des titans, cette lutte ancestrale, cette bataille qui perdure à travers les âges, ce n'est pas celle du bien contre le mal, c'est plutôt celle de Oggy contre les cafards. Ça nous vient, je crois, de la série animée qui était quand même assez bien fait, Oggy et les cafards, le film cette fois-ci. Et finalement, autre dessin animé à consommer français, eh bien, c'est en 2014, Jack et la mécanique du cœur. Ça se passe à Édimbourg en 1874. Jack naît le jour le plus froid du monde et son cœur en reste gelé. Le docteur Madeleine le sauve en remplaçant son cœur défectueux par une horloge mécanique. Il survivra avec ce bricolage magique à condition de respecter 3 lois. Premièrement, ne pas toucher à ses aiguilles. Deuxièmement, maîtriser sa colère. Et surtout, au jamais, au grand jamais, tomber amoureux, ce qui arrivera sûrement. Hein? Alors, c'était les 10 dessins animés à consommer français, donc des productions qui nous viennent de l'Hexagone. Ici, on va aller vers une production qui nous vient de où, ça? C'est Pennsylvanie, c'est américain. Un homme qui pensait avoir un poisson au bout de sa ligne, eh bien, se rend compte que finalement, c'est un oiseau qui est au bout de sa ligne. Deux pêcheurs sur glace de la Pennsylvanie ont eu la surprise de leur vie quand, en passant retirer de l'eau un gros poisson, ils ont finalement vu apparaître un oiseau marin. Oui, c'est bien un gros oiseau que Fred Christensen retire de l'eau pendant que son ami Nicolas Colangelo filme. Ce dernier a dit au Washington Post « Je n'ai jamais entendu une telle histoire, c'est tellement inhabituel. » Alors, en voyant ça, j'étais simplement sans mots. Et c'est pour ça qu'il a filmé la scène. Effectivement, c'est assez particulier. On a du mal à imaginer d'où vient cet oiseau. On voit un peu plus loin que le lac sur lequel ils sont, le lac gelé. Eh bien, il y a des parties qui ne sont pas gelées. Alors, peut-être que l'oiseau, qui ressemble à un genre de... un huard, oui, même, je vous dirais, ça ressemble beaucoup à un huard, eh bien, il était peut-être en train de pêcher. On sait que les huards peuvent nager de très, très longues distances et rester très longtemps sous l'eau. Alors, ça doit être quelque chose du genre qui est arrivé. Allez voir ça, en tout cas, c'est assez peu probable. Autre ici, truc peu probable, c'est que M. Kim Jong-un, président nord-coréen, soit très, très enchanté par ce film, The Interview, un film porno qui ne va pas sûrement plaire à M. Hong, M. Un, Kim Jong-un. Donc, un acte de terroriste qui sera puni de représailles impitoyables, c'est par ces mots que Pyongyang avait dénoncé le film The Interview, comédie américaine mettant en scène James Franco et Seth Rogen, se moquant de Kim Jong-un, sorti vraiment en douleur fin décembre 2014. Donc, après une cyberattaque sans précédent attribuée à la Corée du Nord et qui a toujours été démentie, les studios Sony Pictures avaient décidé d'annuler la sortie prévue pour Noël du film, finalement visible en ligne, mais aussi dans quelques centaines de salles obscures des États-Unis. Donc, au vu de ces réactions outrées, on se demande bien ce que Kim Jong-un va penser de « This and the Interview XXX ». Eh bien oui, comme son nom l'indique, il s'agit d'un pastiche du film The Interview en version pour adultes, une parodie porno que Larry Flint avait déjà annoncée en décembre dernier. Hustler, la célèbre marque du X qu'il dirige, en a dévoilé la bande-annonce jeudi dernier. Et comme vous pouvez le voir dans la vidéo Sail for Work en haut de cet article via la page Facebook du Dîner de cons. Comme le résume le journal Libération, cette bande-annonce contient des archives authentiques de d'authentiques défilés nord-coréens, des perruques improbables et un sosie de Dennis Rodman, le basketteur grand copain de Kim Jong-un. Pas sûr que ce genre d'humour plaise aux leaders nord-coréens, mais on imagine que Larry Flint en sera ravi, hein? Il est assez rebelle, M. Flint. Le producteur est connu pour être un défenseur sans relâche de la liberté d'expression, comme il l'avait rappelé en janvier dernier, en apportant son soutien à Charlie Hebdo et en s'emportant contre les médias américains qui avaient préféré ne pas vouloir dévoiler la une du numéro du 14 janvier des caricatures de Mahomet. Allez voir ça. Bien, bien sympathique. Et moi, ça me donne le goût d'aller voir le film, le réel film, The Interview. Parce que le pastiche porno, c'est rarement de grande qualité. Hein? Des pastiches porno en plus. On a des oiseaux ici qui adorent ennuyer les chats. Le saviez-vous? Eh bien, ce sont des oiseaux. Ça fait la mode là, sur le web. C'est des oiseaux qui se jettent dans la gueule du chat, mais ne vous inquiétez pas, ce sont des vieux copains. On n'est plus habitué à voir les chats martyriser d'autres créatures fragiles comme des bébés, par exemple. Cette fois-ci, les félins acceptent, au moins pour quelques minutes, de se faire gentiment pincer, mordre par des volatiles un peu envahissants. D'étranges scènes à découvrir dans des vidéos qui sont en lien via la page du Dîner de cons et qui ont été mises en ligne par les membres du Huffington Post américain. C'est vraiment plein de petites scènes où des oiseaux taquinent plutôt les chats. Hein? On est moins habitué de voir ça. D'habitude, c'est plutôt des oiseaux qui se font dévorer par des chats. Mais vous irez voir, c'est très peu important, mais quand même ludique. Il y a la publicité de Skoda Fabia qui joue avec vos yeux et vos esprits. La marque Skoda, propriété de Volkswagen, n'est peut-être pas présente chez nous, hein, au Québec, mais avec une telle publicité, elle s'assure d'attirer l'attention de tous. C'est une vidéo diffusée le 26 février sur YouTube qui approche les 3 millions de visionnements. La Fabia du constructeur tchèque qui tient le rôle principal, mais il y a plus. Difficile d'en dire davantage, mais regardez attentivement cette publicité qui cherche à attirer l'attention sur le design de la voiture et surtout, attendez jusqu'à la fin. Ah, mais là, moi, je veux qu'on montre qu'est-ce qui se passe. Là. Je veux pas vous envoyer une pub, puis finalement, qu'on sache pas... un article, pardon, et de pas savoir où est le punch de tout ça. Alors, OK, on voit une rue, finalement, avec des voitures. Une rue avec qui est comme en image par image. Les couleurs sont vraiment très, très éclatantes, qu'on pourrait dire. Qu'est-ce qui se passe? OK. Ah, ça, c'est vraiment cool. OK. Donc, la rue reste toujours la même, mais les buildings derrière changent. Alors, c'est vraiment particulier. Les couleurs changent, mais je ne comprends pas le but, par contre, de la publicité en tant que telle. Allez la voir, puis ça va être justement un bon lien pour voir que vous êtes vraiment plus intelligent que moi. Vous avez compris. Mais en tout cas, l'image, est vraiment, c'est hallucinant à voir. Là. C'est comme une voiture qui est stationnée devant des maisons, devant des blocs. Et puis les blocs changent, les couleurs changent, les fenêtres changent, mais la forme des blocs reste pareille. En tout cas, c'est un peu... On joue finalement un peu avec notre cerveau. C'est ce que j'ai compris. Il y a la science ici qui explique pourquoi les hommes préfèrent les femmes avec des courbes. Ah ben oui. Donc, on y va. Les femmes ont toujours su s'adapter aux grossesses dans le cours de l'histoire, explique l'un des auteurs de l'étude, Eric Russell, de l'Université du Texas. Donc, mais celles qui ont un angle plus prononcé dans le bas du dos pouvaient distribuer la masse de l'enfant et donc mieux le porter. C'est pour ça, hein, faut qu'on soit un petit peu plus... c'est comme si on ressort les fesses. Là, l'article vient de popper. Alors, je vais recommencer parce que sinon, il n'y a rien qui suit. Des informations viennent de s'ajouter. Donc, on y va avec ça ici. De la photo de Kim Kardashian qui a brisé l'Internet au verre d'oreille du genre All About That Base. Tous les projecteurs sont sur les derrières qui sont assez rebondis des mesdames. L'intérêt pour les formes féminines ne date pas d'hier. D'ailleurs, des chercheurs suggèrent que les hommes préfèrent les femmes avec une taille fine et des hanches développées, signaux de jeunesse et de fertilité. Mais une nouvelle étude vient de nuancer les théories de l'évolution qui guident les désirs masculins. Il semblerait que la cambrure, soit l'angle de la colonne vertébrale entre le dos et les fesses, jouerait un rôle important. Eh bien oui, c'est ça. Les femmes, donc, ont dû s'adapter aux grossesses dans le cours de l'histoire, ce qui est expliqué par les auteurs de l'étude. Donc, quand on a plus de degrés de courbure vers le dos, quand on ressort les fesses, eh bien, ça l'aiderait à porter l'enfant. Bref, la préférence des hommes pour les derrières rebondis s'explique par l'adaptation psychologique au fil des siècles pour trouver la partenaire idéale. Les auteurs de l'étude ont demandé à plus de 300 hommes de définir l'attirance des femmes selon la courbure lombaire variant entre 26 et 61 degrés. OK? 26, là, c'est presque nul. C'est presque la femme se tient tout simplement trop droit. Comme pas de fesses, là, il semblerait qu'une courbe modérée de 45 degrés environ soit l'angle idéal dans le bas du dos. Une telle cambrure confère des avantages dans le processus évolutif de l'homme sans les problèmes de santé associés comme aux maux de dos. OK. Les chercheurs pensent aussi que la structure de la colonne vertébrale elle-même, plutôt que les muscles et le gras fessier, est un élément clé. Les hommes dirigent leur attention aux femmes et obtiennent de l'information à propos de leur colonne, même s'ils n'ont pas conscience de ce que leur cerveau cherche littéralement à faire, ajoute le Dr. Lewis, auteur principal de l'étude et psychologue à l'Université de Bilkent en Turquie. Donc, on imagine que c'est parce que c'est plus sexy, que c'est plus beau ou quoi que ce soit, mais finalement, notre cerveau, lui, analyse ce qui est le mieux pour la santé de notre progéniture future. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Quand ça donne, je te dirais, quand Stéphanie nous rend, c'est ça, l'honneur, nous donne le privilège de sa présence, on fait sa plus simple expression. Oh! Sa plus simple expression! La chronique dans laquelle j'essaie de vous expliquer pourquoi on dit ça, ces affaires-là? Tu essaies et tu réussis, Stéphanie Paradis. Ben, des fois, c'est pas tout le temps, là. Il y a juste les mentions de siècles qui rendent la vie dure. Ouais, c'est... Les chiffres romains, c'est difficile. C'est ça. Ouais. Moi, je parle pas italien, fait que... Non! c'est difficile. Vidi, vidi, vici. Donc, on est toujours dans le pêle-mêle, je te dirais. OK. Parce que là, déjà, j'ai épuisé ma première liste. Donc là, je dois relister des nouvelles expressions. Tu dois renvoyer déjà. Ça au courtier immobilier et faire relister pour moins cher ta maison. Tu parles comme si tu avais déjà acheté une maison. Comme si, mais c'est pas le cas du tout. Donc, on commence dès maintenant avec un suppôt de Satan. Ce serait vraiment trop facile d'y aller dans les suppositoires, donc on va y aller ailleurs un peu. Mais c'est supposé. Satan, on s'attend à quelque chose. C'est quand quelque chose est supposé arriver et que tu t'attends à ça. C'est ça, hein? C'est ça que ça. OK, ouais. Quasiment. Un suppôt de Satan, c'est une personne méchante, malfaisante, en fait. Donc, on sait que Satan est cet être malfaisant à cause duquel il se passe dans le monde. Donc, plein de choses désagréables, hein, des maladies graves, des crimes, des guerres, on sait que c'est lui. Mais comme Satan, on dit, quand tu brises un miroir, Satan de malheur, tu sais, comme tu dis. Exactement. C'est ça. Donc, mais Satan n'agit pas seul. Il est aidé par plein de démons destinés à pourrir la vie des humains. Et au sens propre, ce sont ces démons qui sont les suppôts de Satan. Ah. Donc, au 18e siècle, le suppôt désignait le vassal ou le sujet de quelqu'un. Donc, conformément à l'étymologie du mot, il était donc bien en dessous de son seigneur. Donc, oui, c'est dérivé du verbe latin supponere, qui voulait dire placer dessous. Et c'est la même origine que le mot suppositoire. Donc, t'étais pas si loin que ça. Arrête donc. Donc, oui, c'est la même origine latine. Donc, au 17e siècle, il désigne d'abord un employé subalterne, mais péjorativement un adepte ou un partisan d'une mauvaise cause. Donc, c'est de cette deuxième acception que naîtra la locution « suppôt du diable » au début de ce siècle, puis « suppôt de Satan » une cinquantaine d'années plus tard pour désigner un démon. Et comme un démon est par nature un être malfaisant, il est logique que, par extension, l'allocution ait pris le sens utilisé de nos jours. Wow! Mais maintenant, quelque chose est en général un peu merdique, là, tu sais, vraiment pas le fun. On pourrait dire que c'est suppoudré, comme suppoudré. Suppoudré. Comme suppoudré de mal. Ouais, on comprend ce que ça veut dire. Pourquoi pas? Je pense que je vais t'en donner une autre aussi, une référence de mal. Ah, génial, j'ai hâte. Ensuite, une mise en abîme. Mise en abîme, ça c'est quand tu construis un grand bâtiment, tu dois absolument mettre des beams de métal. Okay. Donc c'est une mise en abîme. Donc c'est juste qu'on le prononce trop à la française. Ouais, c'est ça le problème, c'est un site français, c'est pour ça. C'est ça l'affaire, les mots français encore. Donc une mise en abîme, c'est une œuvre imbriquée dans une œuvre de même type. Toi, Mathieu, t'es fan de produits de fromage fondu? Oui, j'adore ça, oui, oui, oui. En fait, toi, tu dois connaître déjà la référence. Je pense que c'est le genre d'information que tu possèdes. Okay. Parce que c'est quelque chose d'inutile. Oui, à date, ça... Donc, tu sais, sur les boîtes de fromage, la vache qui rit. Oui, oui, la vache, elle porte des boucles d'oreilles en vache. C'est ça. Donc, il y a l'image d'une vache avec les boucles d'oreilles. Sur les boucles d'oreilles, c'est l'emballage de la boîte. Donc, sur les boucles d'oreilles, t'as la vache qui porte les boucles d'oreilles, etc. Ouais. Exact. Ben, à l'infini, je sais pas jusqu'où. Faudrait prendre un microscope. Je serais très curieuse de voir jusqu'où sont allés. Mais je m'en voudrais de ne pas mentionner, et ce sera Danny Janvier du Dîner de Con qui me le remerciera de l'avoir fait, mais sur le verre de Slush Poppy, tu vois un chien qui tient un verre de Slush Poppy avec Slush Poppy dessus. Ah oui? Aussi. Oh! Fait que je m'en voudrais. Donc, on cherche volontairement à faire des mises en abîme, c'est clair. Donc, certains considèrent aussi que les poupées russes, hein, les poupées qui s'emboîtent l'une dans l'autre... Charles La Fortune à l'intérieur de lui-même. Exactement, ça serait une sorte de mise en abîme, donc un Charles La Fortune à l'intérieur de Charles La Fortune. Il jouait les poupées russes, les... Ah ouais. Et pour terminer aussi, on aurait aussi le film de Christopher Nolan, Inception. Eh ben oui, avec Leonardo. Voilà, donc qui raconte des actions qui se passent dans trois niveaux de rêve d'une personne, donc c'est toujours comme malade. Un rêve à l'intérieur d'un rêve. Malade. Ou encore à la télé, quand ils se mettent à filmer le moniteur sur lequel ils affichent la télé. Musique Plus, ça arrive tout le temps. Musique Plus, ça arrive tout le temps, puis ils font jadis, ça. Jadis, là, quand il y avait des émissions live. Quand il y avait des animateurs à Musique Plus, qu'il y avait des caméras contrôlées par des humains qui pouvaient pointer sur des affaires parce que c'est des machines, tout ça. Là. C'est ça. Mais tu sais, ça allait dans l'image, dans l'image, dans l'image, dans l'image. Ben ça, ouais. Ça, c'était hot, là. Donc, oui, OK, on sait c'est quoi, mais ça vient d'où, cette appellation-là? Ouais. Donc, abîme, avec un Y, tout comme abysme, A-B-I-S-M-E, ou même abîme, I, accent circonflexe, nous vient d'un mot grec qui signifiait « sans fond ». Donc, c'est un terme qui était utilisé en héraldique, l'étude des blasons et armoiries, pour désigner le centre ou le cœur d'un blason qui pouvait contenir l'image réduite d'un autre blason. Donc, l'expression elle-même a été initiée sous la plume d'André Gide dans son journal en italique. Hein? Donc, en 1893, lorsqu'il écrivit « J'aime assez qu'en une œuvre d'art, on retrouve ainsi transposé à l'échelle des personnages le sujet même de cette œuvre, comparaison avec ce procédé du blason qui consiste dans le premier à mettre le second en abîme. Il évoquait alors, entre autres, une scène de Hamlet de William Shakespeare dans laquelle des comédiens jouent une scène de théâtre, mais c'est dans la pièce de théâtre, ah, cool. Ils jouent une pièce de théâtre, un extrait de pièce de théâtre. Toutefois, la vision de Gide semble faussée. Un spécialiste en héraldique, Bruce Morissette, je trouve ça vraiment très drôle, a indiqué par la suite qu'un blason ne comportait jamais en son sens sa propre image. Donc, c'est toujours l'image d'un autre blason. Donc, lui, il a apporté une petite nuance. Cela n'a pas empêché quand même la locution exacte mise en abîme de naître en 1950 sous la plume de Claude Edmond de Magny dans son Histoire du roman français depuis 1918 et d'être conservé malgré des propositions d'autres dénominations. Donc on a eu métaphore spéculaire, miroir intérieur du récit ou encore composition en abîme. Mais mise en abîme est restée malgré tout ça. C'est le mot mortaise qui est bizarre aussi. Mortaise, c'est quand tu mets une photo dans une autre photo, mais qui n'est pas la même photo. Fait qu'est-ce que tu pourrais avoir une mise en abîme d'une mortaise, une mortaise en abîme, je sais pas. T'sais. Là, c'est assez mêlant. Hein? Ouais. C'est un peu comme essayer de dire lequel des Star Wars est le premier épisode ou le deuxième. Ah, ah. Ensuite, c'est nickel. Là, on est dans les expressions françaises, mais on connaît c'est quoi. Oui. Donc, on va en parler. C'est nickel. Nickel. C'est Non, c'est pas le restaurant. Non, je n'allais pas le dire parce que c'était trop facile, ça, clairement. c'est nickel. C'est la suite de la phrase. C'est nickel conque. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas quelconque. C'est ça va à contresens du quelconque. Donc, c'est quelque chose d'original, ni quelconque. Nickel. OK. Yo. Pourquoi pas? En fait, c'est nickel. Ça veut dire c'est d'une propreté irréprochable. C'est pas un pays, c'est le Sénégal. Le Sénégal, moi, en Afrique. mais pourtant... Donc, okay. Donc, c'est d'une propreté irréprochable. C'est impeccable, excellent, parfait. Donc, le nickel, s'agit d'un métal qui, quand il est très poli, brille de tous ses feux. Donc, s'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît, merci beaucoup. Ça, c'est très poli. OK, dans le sens, ouais. C'est ça, c'est très facile, ça aussi. Donc, une surface de nickel entièrement lisse et brillante passerait ainsi pour être parfaitement propre ou impeccable. C'est donc tout simplement de ce nickel brillant à la superbe surface qu'est né ce qualificatif nickel au début du 20e siècle, donc quand même récent, venu du monde militaire. Ou au moment des revues, par exemple, on parlait de chambre ou de fusil nickel. Mais le chrome, plus fréquemment rencontré aussi bien sur les robinets que certaines pièces des voitures, n'est pas en reste quant à l'impeccabilité de son apparence. C'est pourquoi certains ont, vers la fin du 20e siècle, jugé utile de le rajouter à l'expression histoire d'en renforcer la signification. Donc, c'était pas assez pour ces gens-là. Ouais. C'est nickel. Donc, Là, je peux pas m'empêcher d'entendre le nom du pays. Depuis que je l'ai dit tantôt, c'est nickel. Dorénavant, c'est le nouveau nom du pays. Voilà. C'est nickel. Ensuite, mariage pluvieux, mariage heureux. C'est plus comme un dicton là, que... Ouais, qu'une expression, mais évidemment, j'ai pas le choix d'aller dans l'âge. Hein? Donc, mariage pluvieux, bien sûr. Donc, quand tu maries une personne âgée, t'es plus heureux parce que l'argent vient avec. C'est quand t'as un sugar daddy ben, ou sugar pas nécessairement mommy. L'argent. Ça veut pas dire qu'il est riche. On sait pas. Hugh Hefner. Ça, je dis pas nécessairement. Pas nécessairement, mais Hugh Hefner l'est. Puis il est vieux. Faut l'entendre de Playboy. Ouais, je sais. Ouais. Mais tu veux te marier avec? Ouais. Donc, mariage pluvieux, mariage heureux, c'est un dicton de consolation pour des mariés en jour pluvieux. Donc, voilà un dicton qui semble intéresser beaucoup de gens, en particulier pour la façon dont il doit être écrit. À l'époque, souvent, à notre époque, lors de certains caprices météorologiques, on va l'utiliser, mais il est à peu près aussi vérifié que araignée du matin, chagrin ou pingouin dans les champs, hiver méchant. Hein? À l'avril, là, tu découvres pas le film. Pour ne citer que ceux-là. Donc, il n'est en effet qu'une phrase qu'on prononce lors d'un mariage partant pluvieux afin de tenter de consoler les mariés naïfs et de leur faire croire que cette pluie agaçante est de bon augure et que par conséquent, leur mariage, sous-entendu leur amour, hein, qu'on veut pas que ce soit le mariage, le papier, va durer longtemps. Cette expression n'est attestée dans la littérature qu'à partir du milieu du 20e siècle, mais elle est probablement antérieure à ça. Donc, la variante mariage pluvieux en deux mots, donc plus vieux, comme tu l'as mentionné tantôt. Ah oui! Donc, c'est, par exemple, mariez-vous à 90 ans, vous allez en vivre plus qu'heureux. Mais on peut dire aussi, c'est parce que tu meurs tout de suite après, donc c'est sûr que tu vas avoir un mariage... long et heureux. Quand tu dis qu'il y a de bon augure, ça c'est quand t'as comme invité musical Bono, là. Fait qu'il y a de bon augure. Bono girl! Yeah. Non, le faire. Mettre au rancard. Mettre au rancard. Pas un autre mauvais guerre encore. Quelque chose avec un rancard. C'est genre, attends un peu. C'est Mathieu, quel blagueur encore. Non, ça marche pas encore. Je sais pas. Donc, c'est mettre de côté, jeter au rebut. Comme cette blague-là, non? Par exemple, ou juste toi trop. Bah. Donc d'après le linguiste Pierre Henkel, ce rancard argotique. Hey, c'est lui qui vient de ce lequel. Clairement. Donc qu'on écrit aussi rancard avec un e, mais dans la phrase c'est avec un a, donc R A N. Ouais. nous vient en presque droite ligne du verbe « récarter », qui dans la contrée qu'est la Normandie signifiait au milieu du 18e siècle. C'était « épandre du fumier », par exemple. Donc, de ce verbe, dans la même région est ensuite né le mot « récar », qui désignait un rebut. Donc, le fumier ou tous les produits qu'on épandait dans les champs étant généralement des choses rebutantes et qui s'est répandu au-delà de sa région d'origine en se déformant en rancœur. Ah ben! Tout simplement. Ensuite, une bouchée de pain. Une bouchée de pain, à pain, évidemment, c'est... Pour une bouchée de pain. J'ai oublié le pour, je pense, hein? Pour, oui. Pour une bouchée de pain, ça change tout. Ben, ça change absolument tout parce que là, ça devient... C'est quand un oiseau a fait un trou dans ton arbre. Fait que pour boucher le pain, il va falloir que tu prennes du bois ailleurs, du copeau de bois. Tu fais quoi si c'est un érable? Ben là, l'expression, c'est pour boucher l'érable à la place. Okay. C'est chacun selon. Donc ça change selon l'arbre, c'est shalom, ça? Shalom, shalom. Donc pour une bouchée de pain, en fait, c'est pour un montant dérisoire. Donc, point n'est besoin d'un long développement pour expliquer l'origine de cette expression qui nous vient sous cette forme du 17e siècle. Wow, tu l'as eu rapide, ça, là. Ouais, ben, à un moment donné, à la fin de la chronique, je m'en viens meilleur. Donc, le pain est une denrée pour l'instant très abordable. Et quand, en plus, on en achète qu'une seule bouchée, la somme nécessaire est forcément très faible, ouais. Sauf si on l'achète en US. La métaphore est donc des plus simples à comprendre. Et si l'expression date effectivement du 17e siècle, au moins un siècle auparavant... On utilisait plutôt pour une pièce de pain, avec le même sens, la pièce désignant simplement un morceau. Ah, moi je pensais que c'est parce que dans le temps, c'était le boucher qui vendait le pain, ça. Mais là, le boucher, c'est la viande, ça. C'est ça. Je suis tout mêlé. Ah, ça y est, pauvre Mathieu. Ensuite, rester ou être de marbre? De marbre. Ben oui, de marbre. Ben c'est ça. Rester de marbre, c'est quand t'as une maladie de la peau. OK? Et puis qui te donne des taches, un peu comme un fromage marbré. Tu restes de marbre. Mais c'est de marbré. Ça pourrait, ça pourrait. En fait, c'est être impassible, ne pas montrer ses sentiments ou ne pas réagir aux informations importantes ou aux provocations. Ah. Donc, en général, si vous êtes d'une zénitude incomparable, mais lorsque quelqu'un vous titille, vous agace, vous énerve, vous avez tendance à ajouter quelque chose, que ça peut être un sourcil, une paupière, vos lèvres ou peu importe certains de vos membres, peut-être pour frapper la personne. Votre donc, batte, parce que c'est une joke de baseball au marbre. C'est une joke de baseball. J'ai donc, fait des jokes de sport à ce temps. Je suis rendu là. Donc, Seigneur, wow! Ça faut vraiment atteindre le fond du baril, ça. T'as commencé à faire les blagues, peut-être qu'un jour tu vas en faire. Non. Donc, contrairement à ce que font croire nos expressions, vous ne pouvez donc en aucun cas être comparé à une statue complètement figée dont nombreuses sont taillées dans du marbre. Vrai. Et pourtant... Non. C'est depuis la deuxième moitié du 18e siècle que nos expressions, donc être de marbre en premier, apparaissent. Ce sont bien évidemment des hyperboles exagérant quelque peu l'absence des manifestations physiques très apparentes qu'on attend de celui qu'on provoque ou auquel on apprend une grande nouvelle, bonne ou mauvaise. Voilà, donc c'est très... Une hyperbole, c'est situé dans une salle de bain de marbre, ça j'imagine aussi en plus. Une hyperbole, c'est clair, là, une balle en marbre, c'est une hyperbole. Ou au Japon, 75% des bols sont hyperboles parce que c'est des technologiques. On l'a appris dans cette information. Ouais, vraiment. Ouais. Juste à écouter la balado. La balado. L'erreur est humaine. OK. L'erreur est quand tu dis que tu mènes quelque chose. L'erreur est humaine, c'est une erreur parce que tu mènes pas, c'est qui mène? C'est moi. C'est toi, t'as raison, ouais. Mais c'est pas une erreur. Mais si c'était pas toi, ce serait l'erreur et que tu mènes. Faudrait que tu dises ça à quelqu'un d'autre. Là. C'est ça. Hey, David Ferron, l'erreur est que tu mènes. C'est pas vrai. Voilà. On l'a intégré dans la chronique alors qu'il est pas vraiment physiquement dans la chronique. Non, c'est ça, mais c'est un exemple. C'était l'erreur. C'est l'erreur et tu mènes. C'est ça. Hein? C'est ça. Disais? Donc, l'erreur et tu mènes, oui, s'utilise lorsqu'on cherche à atténuer la responsabilité de celui qui a commis une erreur. Donc, cette expression est la traduction approximative de la locution latine « errare emanum », qui est « se tromper est humain », qui est la version raccourcie de « errare emanum est perseverare diabolicum », qui est « se tromper est humain, persévérer est diabolique ». Ah, ben... Donc, elle signifie qu'il est parfaitement normal que l'homme puisse se tromper. Mais si se tromper une fois est parfaitement excusable, il devient impardonnable de persévérer ou autrement dit de reproduire la même erreur. Donc si l'homme est imparfait et donc forcément faillible, nous sommes censés apprendre de nos erreurs. Voilà donc une excuse que l'on est bien content de pouvoir faire sienne lorsqu'on a commis une bévue la première fois où on la commet. Mais la première fois seulement. Donc cette expression est généralement attribuée à Sénèque, même si certains la considèrent comme postérieure, pas de fesses. Pas l'hyperbole. Donc le latin de cette époque n'utilisant généralement pas le terme diabolique, paraît-il. Ah. Et finalement, une petite dernière pour aujourd'hui, friser le ridicule. c'est le surnom de David Ferron. Friser le ridicule. Salut, friser le ridicule. Mais... Ça va. Mais frise naturelle. Ben, c'est friser le ridicule. C'est friser, virgule, le ridicule. Donc, voilà. Défendre, mais il n'y a rien à dire de plus que ça. Donc, se dit d'une personne ou d'une situation qui n'est pas loin de susciter des moqueries. Donc, car s'il n'y a aucun doute sur le sens de ridicule, le verbe friser, lui, n'a rien à voir avec les bigoudis. En effet, vous avez sûrement déjà entendu à propos de quelqu'un ayant failli mourir dans un accident de voiture, par exemple, qu'il avait frisé la mort. Ouais. Donc, vous n'en douterez certainement pas. Si la mort s'inquiète, David arrête de taper sa table, ça bouge. C'est friser le ridicule! Mais c'est parce que mon écran bougeait, j'avais de la misère à aller. Au moins, il n'y a pas éteint ce coup-ci. C'était une blague de dans le passé. Or, vous n'en douterez certainement pas, si la mort s'inquiète du tranchant de sa faux, elle n'a que faire de l'état de son inexistante chevelure. Ah. Mais on sait pas là, si elle a des cheveux ou pas, la mort, elle on a une capuche. C'est ça, moi, je trouve ça femme, on sait pas. Moi, déjà, je trouve ça tellement réducteur. Hein. Vraiment. Donc ici, le verbe friser a le même effleuré, soit passer très près, à proximité immédiate. Donc cette acception particulière de ce verbe nous vient du début du 16e siècle, sans que l'étymologie en soit claire. Donc quelqu'un qui frise le ridicule, c'est simplement quelqu'un qui s'en approche très près, mais réussit tout juste à l'éviter, volontairement ou pas. Eh ben, et voilà! Ne pas confondre friser le ridicule avec Poil de poche le malaisant, qui est son frère... Voilà pour sa plus simple expression. Merci, Steph. Ça fait plaisir. On fait ça les lundis quand ça donne à 9h. Quand je suis là, finalement. Quand t'es là, ben, tu les fais semaines, pas sans moi. Non, je me suis jamais aventuré à essayer de deviner moi-même mes propres gags à l'avance. Ce serait un peu bizarre. Ce serait un peu poil de poche le malaise. Hein, ouais, vraiment. Comme on dit. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons. Un certain midi cette semaine. Elle nous présentait 27 fois l'Aurore en septembre dernier. Elle sera en spectacle à Trois-Rivières le 15 mai prochain. J'ai le bonheur de recevoir Salomé Leclerc. Salut Salomé. Salut. Ça va bien? Ça va super bien. Oui, ben tantôt je l'ai posé hors d'onde, mais je vais te demander de quel coin tu viens toi, Salomé Leclerc? Ben je viens pas si loin d'ici. Je viens de Sainte-Françoise-de-Lobinière. OK. Puis j'ai fait mon secondaire à Saint-Pierre-les-Bequets, qui est encore plus proche d'ici. Ouais, juste l'autre côté du fleuve. C'est en plein ça, oui. Et puis, qu'est-ce qui t'a amené à la musique? Écoute, ça part de loin. Ça part de... Quand j'avais 10 ans, okay. J'ai eu une batterie. Mes parents ont eu le courage de... courage le de malheur ou le bonheur. Le malheur, oui, un des deux. de m'acheter une batterie. Fait que j'ai commencé assez tôt. Mes parents écoutaient beaucoup, beaucoup aussi de musique quand on était jeunes. J'ai deux frères plus vieux. Mais c'est-tu toi qui avais demandé ça, une batterie? Ben ouais, parce que mes frères jouaient de la... Il y en a un qui jouait de la basse, puis l'autre jouait de la guitare. Fait que moi, je voulais les accompagner, là, comme j'ai toujours fait. Fait que j'ai eu une batterie. J'ai découvert après ça, peut-être 2-3 ans après, la guitare. Puis là, je me suis mis à écouter plus mes trucs à moi, à chanter. J'ai commencé à chanter, commencé à composer des chansons. Fait que ça part de loin, mais c'est ça. Ça a toujours resté en moi. Yes. Puis justement, tu dis, j'ai commencé à écouter mes trucs. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Quel artiste t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'écoutait, qui t'a amené où ce que t'es maintenant? Ben, ça a été beaucoup du folk au début, okay. Du Neil Young, du Marc Derry, du qu'est-ce que Zébulon, Dumas quand il a commencé, j'écoutais ses trucs. Qu'est-ce que j'ai. Ouais, c'est ça. Ce genre de musique-là, moi, je partais, mes frères écoutaient du Led Zeppelin, du ZZ Top, tout ça, c'est ce que je jouais avec eux autres. Fait que, mettons, ça s'est assagi un peu dans ce que j'ai écouté. Puis c'est plus ça qui venait me chercher. Donc, quand j'ai commencé à composer, c'était plus folk. Guitare-voix. C'était plus guitare-voix. Je faisais des concours, c'était toujours guitare-voix. Fait quoi, ouais, c'était très folk, finger-picking là, au début. Excellent. Ouais. Et puis, ça, on parle côté musique. Puis sinon, qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? C'est pas nécessairement un artiste, mais qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Et ben, les voyages m'inspirent énormément. D'ailleurs, le dernier disque, mon deuxième, le 27 fois l'horreur, ouais, m'a été inspiré en grande partie par les voyages que j'ai faits, oui, pour la musique, mais des voyages personnels aussi. Puis c'est vraiment... Moi, je suis pas quelqu'un qui va écrire ailleurs que chez moi. Fait que je vais emmagasiner des choses, je vais vivre des choses, je vais voyager, je vais voir des trucs. Puis c'est au retour, là, on dirait que je prends... ça me prend peut-être deux semaines, un mois de décalage, puis là, on dirait que ça veut sortir. C'est comme si là. Tu digères tout ce que t'as vécu. C'est puis un là, peu ça. On l'envoie. Ça ressort dans les chansons. Mais tu parles de voyage. Arlon, c'est-tu justement par rapport à ça? C'est une ville belge, Arlon? C'est en plein ça, exactement. En fait, cette chanson-là, j'ai commencé à l'écrire là-bas. C'est la seule. Je dis que j'écris pas chez moi, mais regarde bien ça, où est-ce que ça s'en va? En fait, c'est pendant un test de son à Arlon. Justement, oui. C'est ma première tournée européenne officielle. Wow, c'est le fun, ça. C'est pas mal le fun. Puis on avait un petit temps mort dans un test de son. Puis mon bassiste, Philippe Brault, qui est finalement devenu le co-réalisateur aussi de l'album, a commencé à jammer. Puis c'était bien, ben, à mon oreille, c'était bien bon. Fait que j'ai enregistré ça. Moi, je faisais une petite mélodie de même. C'était vraiment improvisation, là, 100%. Puis ça a duré une minute à peu près, ce petit jam-là. Je l'ai gardé. Puis c'est le début exact de la chanson Arlon. Fait que je voulais un peu... Je me suis inspirée de pas nécessairement de cette ville-là, parce qu'on en a vu qu'une salle de spectacle puis un resto pour déjeuner, puis on est reparti. Mais c'était le moment du voyage, puis exact. Ton trip pour la première fois en Europe, finalement, avec ta musique. Avec ma musique, en plein ça. Génial. Puis justement, tu parles sur 27 fois l'aura. J'ai un peu une idée, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pourquoi pour ce titre-là? 27 fois l'aura, parce que j'avais 27 ans quand j'ai écrit l'album. Okay. Et je suis née le 27 avril. Oh. Fait que c'était mon année. Des chiffres. Des chiffres, plein de chiffres. C'était mon année chanceuse. Puis je trouvais que l'image était belle, l'aurore, qui est le point de départ, entre la nuit, entre le jour, vraiment le moment où tout recommence. Puis je trouvais ça beau, l'espèce de boucle qui se fermait sur le premier disque, puis la porte qui s'ouvrait sur le deuxième. Wow, superbe. C'est beau. Salomé Leclerc en spectacle, c'est quoi? C'est bien des guitares électriques. Parce que, tu sais, à la base, quand on écoute, c'est quand même assez calme. Ouais. En show, est-ce que c'est... Ah, c'est moins calme. C'est moins calme. C'est moins calme qu'on pourrait le penser en okay. écoutant le disque. OK. C'est même, je dirais, pas mal musclé à certains okay. moments. Je garde quand même les moments plus intimes, plus... plus proche, plus minimaliste. Tu restes avec toi-même, là, quand avec même. Les... Là, ouais, mais il y a une partie de moi-même qui est comme ça, mais une autre partie qui a besoin de déménager. Okay. Ouais. Fait que oui, on s'approche un peu pas mal du rock. Il y a aussi beaucoup de claviers sur le spectacle, parce qu'il y en a... Ça a été un peu l'ajout, ça a été un peu la différence entre les deux disques. Entre les deux disques, oui, justement. C'était ouais. ce que je m'en ai posé la question, c'est quoi un peu... Ben moi, j'adore, premièrement, j'en compose de la musique électronique, donc j'adore ça. Mais c'est qu'est-ce qui t'a amené vers un petit côté plus électro, justement? Beaucoup de programmation. J'ai ouais. regardé sur le livret, il y a beaucoup d'instruments intéressants, des machines, ouais. du Logic en masse. Du Logic en ça, je trouvais ça drôle. j'aurais pu voir Ableton, on aurait pu voir... Ouais. Truc. Mais qu'est-ce qui t'a amené là, à part peut-être ton comparse avec qui tu travailles aussi? Là? Ouais, Philippe, il aime beaucoup ça, ces sons-là, c'est sûr. Mais ça vient de ce que j'écoute. De ce que j'écoute en ce Donc, moment. Donc, t'aimes ça? Ah, j'adore ça. Okay. Et de ce que j'écoutais beaucoup quand j'ai composé le disque. J'écoutais plus des groupes, c'est ça, qui mêlaient l'électro, tu sais, du Atoms for Peace, du Blonde Redhead, du Braids... Cat Powers avec son disque un peu plus électro. Fait que c'est cette ambiance-là m'inspirait t'aimais beaucoup. T'aimais ces petites saveurs-là. Ouais. Puis le mélange, tu sais, je voulais pas non plus perdre le côté plus organique que ce que de ce que j'avais présenté, mais je voulais une espèce d'équilibre. Je voulais vraiment mêler les deux. Fait que c'est de là qu'est venue cette idée-là. Là, je sais que lui vient de sortir, là, ça fait pas longtemps, mais est-ce que tu penses traîner ces sonorités-là avec toi pour les prochains? Probablement. Moi, je te dirais que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, hein? Oui. Je pense que c'est un ajout vraiment intéressant. Je pense que c'est... Je veux pas non plus tomber à 100% là-dedans. Non, non. Parce que je pense que ça... Je pense pas que ce soit moi tant à 100% non plus. Mais oui, de garder ça, mais surtout d'approfondir. Un peu ce que j'ai fait... En fait, je veux pas refaire un album deux fois. Fait que je vais prendre ça, je vais garder ce que j'aime de ça. Puis on va pousser ailleurs, puis... On va évoluer encore. En plein, ça. Justement. Côté évolution, tantôt, tu l'as dit, tu nous as nommé quelques projets, quelques groupes que tu affectionnes. Des suggestions d'écoute? Et ça, c'est une bonne question. Justement, ben ça, moi, t'en as donné quelques-unes, mais c'est des trucs que t'aimes, puis que tu pourrais dire à tes fans ou aux gens qui te suivent. Qu'est-ce qui peut être intéressant à écouter, à découvrir, peut-être? Écoute, j'arrive du Archambault à l'instant. J'ai pas écouté les disques, mais j'en ai écouté des petits bouts sur iTunes avant d'acheter les disques, mais il y a Navert qui est sorti aujourd'hui. J'ai entendu son démo. C'est une fille que je connais qui m'avait refilé son démo à un moment donné, puis j'avais vraiment, vraiment aimé ça. Fait que Navert qui est sorti aujourd'hui. Sinon, Julie Blanche, qui est une autre auteure-compositrice québécoise. Ça. Qui travaille avec Antoine Corriveau. OK. D'ailleurs, Antoine Corriveau aussi, je le recommande. Je le conseille à tout le monde. Un autre gars du coin. Ben oui, mais j'ai su ça tantôt. Oui. C'est le fun. Fait qu'Antoine Corriveau, Julie Blanche, Navert, Alexandre Desilets. Ouais, oui, ça a été vraiment un coup de cœur avec son dernier disque. Vraiment, vraiment, vraiment excellent, ce gars-là. Puis, c'est ça. Je pense que ça fait... Tu parles d'Archambault, là, deux jours à peu près, je suis allé, puis j'ai vu un de tes vinyles. Oui. L'idée pour toi, parce que moi, je suis vraiment un amateur de vinyles, puis j'ai passé à deux doigts parce que j'avais pas le budget là, mais j'ai dit, un vinyle à acheter. Toi, ton rapport avec ça, c'est quoi? T'aimes... Pourquoi? Il est excellent. Ben, c'est ça. Ben, c'est ce que je m'en allais dire, puis j'ai même vu que tu avais sorti ton EP aussi là-dessus. Parle-nous de ça. C'est quoi ton rapport avec le vinyle? Mon boss vinyle, moi, il ne faut pas que je rentre dans un magasin de vinyle parce que, justement, ça ne va pas bien. Non, mais va sur Discog. C'est plus intéressant. Discog, c'est comme le site de tout ce que tu veux avoir en ligne. Okay. Donc, c'est un album qui se trouve nulle part. C'est du use. Wow. Moi, sérieux, on dirait que c'est comme si c'était dans le temps, on mettait nos albums sur Torrent puis on download tout. Ouais. Mais là, c'est que tu peux tout acheter, tout ce que tu veux. Fait que, ben, tu iras là sur Discog. Discog.com, je suis sûr que tu vas te faire un petit compte, c'est hallucinant. Mais c'est ça, ton rapport au vinyle. Ben, c'est ça. Moi, quand j'ai sorti Sous les arbres, je tenais beaucoup à avoir cet album-là en vinyle. Mm-hmm. Finalement, bon, les choses se sont passées, ça s'est pas passé, puis c'est pas grave. Ça coûte cher, en ça plus, coûte, ça produit. C'est vraiment pas rentable, ah, c'est faut le dire. Là, c'est faut, pour l'amour. Hein? C'est vraiment pour le trip. Puis quand j'ai eu la chance de sortir, dès que j'ai eu la chance, en fait, j'ai dit « OK, là, ça me prend mon vinyle. J'ai mon petit meuble à vinyle chez moi, puis j'avais hâte là, au moment où je mettrais le mien là-dedans. » Puis anecdote, ce qui est très drôle, quand l'album complet, parce qu'il y a un EP de trois chansons qui est sorti en avril passé, mais l'album complet est sorti en septembre, donc 27 fois l'horreur en vinyle, puis... J'avais pas encore eu mes copies promo à moi. Fait que je l'avais pas encore. Mais il était en magasin. Ça avait juste pas à donner que je l'ai. Puis je m'en vais encore au Archambault. On va les plugger. Je m'en vais là, puis je vois le vinyle. Puis au lieu d'attendre deux jours... je l'ai acheté. Fait que je suis passée à la caisse avec ma tuque, mes lunettes un petit peu honteuses, mais je l'ai eu. Ah ouais, wow! J'avais vraiment hâte à ça. Ah, je comprends vraiment. Ouais. Donc, ce sera pas une question. Ton prochain va sûrement être sur Galette aussi. Probablement. Fort probablement. Fort probablement. Ouais. Justement, projet futur, clip ou autre à parler? Un clip qui s'en vient. OK, pour quelle pièce? Pour la pièce Les chemins de l'ombre. Okay. Qui se retrouve sur le dernier disque, oui. Qui devrait sortir. Là, on est en montage. Ça s'est tourné en film. En pellicule? La vraie pellicule. Ça devrait sortir d'ici une semaine ou deux. OK. Donc, à surveiller. Sinon, il y a des spectacles. J'en ai un ici. Oui. C'est ça, à Trois-Rivières, le 15 mai. En plein ça. Puis à quel endroit? Louis-Philippe Poisson, la salle Louis-Philippe Poisson, culturel. Centre culturel. Oui. J'aurai mon GPS quand je reviendrai. Exact. Nous aussi. Oui. Puis ensuite, cet été, je vais faire des festivals. Puis la plus grosse partie des dates de spectacles, ça va rentrer à l'automne. Fait que peut-être aller sur le www.salomeleclerc.com. Wow. On va tout trouver là-dessus. Excellent. Et tu m'as presque tout répondu. Je m'en ai dit, ton été, tu vas sûrement faire des festivals, la création. Est-ce que tu as commencé à composer déjà d'autres tunes? Est-ce que tu es une fille qui arrête ou qui arrête jamais de composer? J'arrête. Prends un break, puis à un moment donné, tu t'y remets. Oui, mais en fait, quand je suis en tournée, quand je suis en spectacle, quand ça bouge trop, je ne suis pas capable. Il faut vraiment que j'ai un moment d'arrêt. Tu prends un break, puis c'est le temps, là. Oui, puis c'est ça, je n'ai pas ma guitare, puis je ne compose pas dans les chambres d'hôtel, là, vraiment pas. Fait que ça me prend mon moment. Puis là, en ce moment, je pense un peu à où ça pourrait s'en aller, mais j'aimerais ça, recommencer à composer dans pas long, là, dans le mois d'avril, ou peut-être même cet été, on verra. Excellent. Je vais te demander un petit truc. Tu peux-tu nous faire un ID live comme ça? Genre, je suis Salomé Leclerc, j'écoute C'est fou. Bien, certainement. Parce que moi, je vais le prendre, je vais le couper, puis après, je vais l'utiliser. Certainement. Je te laisse aller. Je suis Salomé Leclerc, vous écoutez C'est fou, FM. Merci. Et puis, on rappelle donc le 15 mai prochain à la salle Louis-Philippe Poisson. On va aller te voir en spectacle. Et puis, on va se laisser avec quelle pièce, tu m'as dit? Avec la chanson Arlon. Donc, on écoute ça tout de suite. Puis, on va aller chercher un vinyle de Salomé Leclerc. Merci. Tu cours, je cours aussi. Comme si des loups pointait nos vies. Tu tombes, je tombe aussi. Comme si des pièges sous le tapis guettaient nos corps affaiblis.

française avec, de France. Avec les autres noms de personnages. Ouais, c'est ça. Moi, Carapuce, là, ça me turn off. Ah, c'est laid. C'est laid. C'est dégueulasse. Vraiment pas beau, ça. De toute façon, Ash s'appelle Sacha. Ah, wesh. Non. Tu sais, dès le départ, là, dès que tu commences à l'écouter. Parce qu'en tant que tel, je pense que je lisais la page Wikipédia comme un loser l'année passée après Prélude. T'sais. Puis c'est les mêmes voix. C'est les mêmes gens qui font le doublage pendant certaines saisons, sauf qu'ils ont juste doublé les noms des personnages pour c'est la version québécoise. J'ai lu sur Wikipédia. Uh-huh. Qu'est-ce que ça vaut, je sais pas. Mais c'est les mêmes doublages, juste avec les noms changés. Mon Dieu Seigneur. Parce qu'il n'y a pas d'accent français, en fait. Non, c'est international. C'est ça. C'est juste qu'ils ont changé les noms. Les noms, ben parce qu'au Québec, ils sont appelés à le nom d'origine anglais, mais prononcé en d'origine... français. D'origine, non. Ouais, non, pas d'origine. T'as de raison, traduction anglaise. T'as raison. C'est d'origine japonaise. D'origine japonaise. Je ouais, savais pas. C'est quoi le nom en... Pikachu, c'est probablement japonais, ça, j'imagine. Parce que Pikachu probablement, aucun... c'est resté... C'est Squirtle, on s'entend que ça a un peu rapport avec des fusils à l'eau, puis c'est autre ça. Chose. Ouais, mais... c'est ça, on pense... Peut-être autre chose. Mais Pikachu... Ouais, c'est vrai que Pikachu, ça sonne déjà japonais. Mm-hmm. Ouais. Bref, tapez-vous ça sur Netflix ou sur peu importe où vous prenez vos émissions en français de Pokémon. Et Gotta Gag Them All, on s'entend que comme slogan, ça fait un petit peu comme si on devait étrangler quelqu'un. Hein? Oui. Gotta Gag Them All. C'est le slogan en français de la Poké-Huitre. On est de même. Bref, Gabriel Béhoud, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On se retrouve mardi prochain à 8h. Oui, même heure, même poste. Pour une autre collègue dans les coulisses de la Huitre. Mm-hmm. Merci, bonne journée. Okay, bye. Donc, on bye. Et puis, comme on dit, va-t'en. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Minutes pour l'indépendance avec Maître Jeff Veilleux. Salut Jeff! Salut Danny! Ça va bien? Bon mardi, ça va, ça va. Je suis exténué, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je souffre d'austérité aiguë. Peut-être. Peut-être que le premier ministre qui nous a fait honte en France m'a totalement déçu. Pas seulement en France, qui nous fait honte à longueur d'année, oui. Mais j'avais le goût de rester couché ce matin. La première pensée que j'ai eue, c'est que j'ai hâte de me recoucher à soir. Mais okay. C'est pas grave. Je suis ici pour vous parler de la course à la chefferie au oui. PQ. Oui. Parce que le président d'élection, Jacques Léonard, a dévoilé les thèmes des 5 débats officiels qu'il va avoir pour cette fameuse course à la chefferie organisée par le PQ. Le premier débat est demain soir à Trois-Rivières. Oui, en donc, plus. Au Cégep, au théâtre du Cégep de Trois-Rivières, le 11 mars à 19h. Et les deux thèmes qui ont été retenus, c'est l'économie et les finances publiques et le rôle de l'État. OK. Un bon gros dossier. Oui, tout à fait. Le deuxième débat va avoir lieu à Sherbrooke le 29 mars. Et les thèmes vont être solidarité et santé, puis environnement et développement durable. Le troisième débat est à Québec le 16 avril sur le thème de l'indépendance et l'éducation et la recherche. Ça va être super intéressant. Je pense que c'est ce qui m'anime le plus. Ouais. Le débat numéro 4 à Rimouski, donc encore en région, le 3 mai, sur le thème de la culture et le développement régional. Puis le dernier débat aura lieu à Montréal le 7 mai sur le thème de la langue, la laïcité, l'immigration et citoyenneté. Puis l'urbanisation et transport. Hein, c'est bien gros, à Montréal, gros dossier. Il faut parler Montréal. De l'urbanisation. Total. Ils en ont bien besoin. Mais la langue et tout ça, ça va fitter bien aussi à Montréal. Ouais, ouais. Je pense que c'est une bonne chose. On rappelle à nos auditeurs que le vote pour la course à chefferie se fera du 13 au 15 mai 2015. Oui. Et s'il n'y a aucun candidat qui obtient une majorité simple, donc 50% plus une voix, il y aura un second tour qui, lui, se déroulerait du 20 au 22 mai okay. 2015. Donc, avant la fête nationale, le PQ devrait être ses rails. On ouais. devrait être placé, on devrait savoir quoi. On a 5 candidats en lice. Oui. Le premier, c'est Alexandre Cloutier, député du Lac-Saint-Jean depuis 2007. Il a été ministre délégué aux affaires intergouvernementales canadiennes à la francophonie canadienne et à la gouvernance souverainiste de 2012 à 2014. Il y a Bernard Drinville, député de Marie-Victorin depuis 2007, lui aussi, et ministre responsable des institutions démocratiques et de la participation citoyenne. On se rappelle de lui pour la fameuse charte, évidemment, qui a divisé le Québec en deux. Vraiment, de façon inutile. Total. Pierre-Carl Péladeau, oui? Député de Saint-Jérôme depuis 2014. C'est le dernier venu dans... Le newbie, comme on dit. Le petit genou. Mais non le moindre. Non, hein, c'est clair que c'est non le moindre. Martine Ouellette, députée de Vachon depuis 2010 et qui a été ministre des Ressources naturelles de 2012 à 2014. Et puis Pierre Serré, le seul candidat non élu à l'Assemblée nationale. Il a été candidat dans Laurier-Dorion aux élections de 2014. Il est porte-parole du Conseil national des chômeurs et chômeuses et coordonnateur du comité chômage de Montréal. Et sa candidature a été officialisée le dernier, le 30 janvier dernier. Bon. Sais-tu c'est quoi les slogans des candidats? Du tout. Non, hein? Aucunement. Ah, mais juste un petit truc. C'est intéressant, par contre, qu'il y ait quand même... trois débats en région, puis oui, après, exactement. Dans les grands pôles, Montréal, Québec. Je pense que le PQ a compris qu'il fallait pas oublier les régions, parce que c'est là que ça se passe. Oui, puis de retourner plate, à sa base militante aussi. Oui, là. Parce que le PQ à Montréal, c'est pas les meilleures places, pas sa meilleure place en ce moment. Non. S'il veut avoir de l'appui à la grandeur du Québec, c'est beaucoup plus en région, je pense, parce qu'en plus, avec Québec, qui sont toujours un peu plus du côté conservateur, droite, des caisses ou caquistes ou peu importe. Donc, je pense de miser sur ces vraies régions qui fait de elles son territoire, je pense que c'est vraiment une bonne chose. T'as tout à fait raison. Surtout qu'à Montréal, la moitié de l'île est déjà libérale. C'est ça. On ne peut pas aller chercher. Cette moitié-là, on ne peut pas aller la chercher. Puis les trois députés de Québec solidaire sont aussi à Montréal. Mm-hmm. Fait que le PQ a peut-être plus de chances. D'ailleurs, on les félicite pour l'élection dans Richelieu. Oui, hier, effectivement. Ils ont hier réussi à conserver leur siège que le PQ a depuis 1989. Donc, le taux de vote était de 47%. Le taux d'électeurs pour le PQ a baissé parce qu'il y avait quand même 8 candidats en lice pour cette élection partielle. Le chef d'Option nationale est arrivé 6e, le PLQ 3e, et donc le PQ a remporté avec M. Rochon. Quand même, une bonne nouvelle. Les slogans des candidats. Oui. On n'est pas là pour les juger, là. Non, mais on peut rire. Pierre Serré, qui est le candidat le plus à gauche des cinq. Oui. Un Québec juste, un Québec libre. Ouais. C'est super beau. C'est correct, ça. Alexandre Cloutier, qui est le plus jeune des candidats, 37 ans. Maintenant, autrement. OK. Ça fait rêveur. Oui, oui. Mais ça fait pragmatique, là. C'est maintenant, là. C'est avec le poing sur la table. Oui, oui. Bernard Drinville, votre voix. C'est juste ça? Oui. Votre voix. Quant à moi, c'est le plus louche. Ouais. Moi aussi, à date, là, c'est le plus louche. Mais on voit avec sa démarche là, de chartiste, là, oui. Qui tente de donner la parole aux citoyens, oui, à la population. T'sais, il n'est pas là pour imposer ses idées, il est là pour représenter. Mm-hmm. Puis la charte, d'ailleurs, l'appui a augmenté. Hein, en janvier, là, c'était plus de 60% qui étaient en faveur. Donc, c'est pas un débat qui polarise tant que ça. C'est juste que si nos médias nous informeraient comme du monde, comme il faut, peut-être exact. Qu'on aurait une meilleure vue de nos immigrants, l'intégration, mais... les religions, les écoles privées subventionnées. T'sais, tout ça. C'est beaucoup ça qui a fait mal au PQ, sérieux. C'est vraiment le message qu'ils ont passé était vraiment mal passé. Oui, vraiment. Puis c'était peut-être pas une priorité en campagne électorale non plus. Là. Je me rappelle de Pauline Marois. Au Marois Chaud. Qui a terminé en disant « Ben, votez pour nous, puis vous êtes sûr vous allez l'avoir, la charte, mais tu sais, c'était pas vraiment une priorité là, non, à court terme, ça. Même si depuis 2008, on en parle, on depuis devrait, Bouchard-Taylor, ouais. On est supposé en avoir une, c'était une des cinq recommandations. C'est toujours un débat à suivre. Mm-hmm. Martine Ouellette, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tout est vrai. C'est vrai l'indépendance, c'est vrai, c'est maintenant qu'il faut agir, c'est vrai qu'on peut être maître de notre destin, c'est vrai qu'on peut faire confiance à une femme encore, c'est la seule candidate des cinq. Donc, Martine, oui, c'est vrai. Et Pierre-Carl Péladeau, un mot, réussir. OK. Ça fait positif, ça fait victorieux. On peut pas... On peut pas être contre. Non, c'est ça. On peut pas être contre ça, ouais. Mais ça en dit pas long. ces candidats ont reçu des appuis de députés. Oui. Donc, et on rappelle que Pauline était en poste depuis 2007. Donc, Pierre-Carl Péladeau, grand favori dans la course, a réussi à ce jour à rallier 7 députés à sa candidature. Le député de Marie-Victorin, Bernard Drainville, compte sur l'appui de 5 élus. Le député de Lac-Saint-Jean, Alexandre Cloutier, bénéficie de l'appui de 3 élus. Et pour leur part, la députée Martine Ouellette et le militant au mouvement Action Chômage Pierre Serré ont échoué jusqu'à maintenant à attirer un député péquiste dans leur camp. Ah bon? Malheureusement. Mm-hmm. Pour Cloutier, on va les nommer rapidement, là, il y a eu Gaétan Lelièvre, député de Gaspé, Véronique Yvon de Joliette, c'est elle qui a fait sa sortie, en fait, elle est tout le temps avec, là, on se rappelle de Véronique pour le dossier sur l'euthanasie. Oui. Elle a fait un excellent travail là-dessus là, pendant plus de 5 ans. François Gendron, qui est le doyen de l'Assemblée nationale, il est député d'Abitibi-Ouest depuis 1976, oui. Donc depuis que René Lévesque a pris le pouvoir, et il a donné son appui aussi à Cloutier. Et le petit dernier, Léo Bureau-Blouin, oui, aussi. Qui est chef des jeunes péquistes. Et donc ça a fait un peu sourciller, là, parce que les jeunes ne voulaient pas nécessairement prendre position tout de suite dans course. Là. Donc Léo Bureau le fait à titre personnel. Ben, s'il fait personnel, c'est correct, là, mais il faut pas qu'il donne son nom comme s'il parlait à la façon des autres. Là. C'est sûr. Pécopé, lui, obtient beaucoup de députés. Nicolas Marceau, Pascal Bérubé de Matane, Daniel Turp, Nicole Léger, Harold Lebel de Rimouski, Mako Cotto d'Ambourget, Dave Turcotte, député de Saint-Jean, Claude Cousineau, député de Bertrand aussi. Puis il y a Noëlla Champagne aussi, qui était notre ancienne députée dans Champlain, oui. Qui a donné aussi son appui à Pierre-Carl. Pécopé. Ben, c'est correct, ça. Mais ce que j'aime cette fois-ci à la course au PQ, les gens se poignardent moins. Hein? Je pense qu'on l'avait débute. Non, mais oui, mais c'est pas il grave. Il reste 2 mois et demi à la course. Oui, je sais, mais d'habitude, ça commençait à se battre déjà en partant beaucoup plus sauvagement et violemment. Je pense qu'ils ont peut-être compris que c'était pas bien trop. Les luttes intestines, on les fait au pire entre nous, mais pas devant les médias. Là. Le plus possible. En tout cas, on leur souhaite. On leur souhaite. Parce que d'habitude, ils sont faciles sur le poignard. Là. Puis c'est sûr qu'en 2005, il y avait 10 candidats à la course à la chefferie pour remplacer Bernard Landry. Donc, à 10 candidats, c'est sûr qu'il y a plus d'occasions. Puis de volonté de se démarquer. Mm-hmm, tandis qu'à 5 candidats, ben, peut-être qu'on va attendre à la fin pour sortir les armes puis, puis les poignards. Ouais, on va souhaiter que non, en tout cas. Drainville, lui, a reçu l'appui de Guy Leclerc, député de Beauharnois depuis 2008, Sylvain Roy dans Bonaventure, Alain Terrien, Sanguinet. Puis le jeune député de 30 ans, Mathieu Taversy, de Terrebonne, qui est devenu d'ailleurs son président de campagne. Okay. Il a aussi l'appui de Marc Laviolette, qui est le syndicaliste meilleur ami de Pierre Dubuc, de l'autre journal. Okay. C'est lui qui chiale tout le temps dans le PQ. Là. Quand le PQ passe à gauche, c'est Marc Laviolette qui est là pour le rappeler. Puis il y a aussi Carole Poirier, députée de Hochelaga-Maisonneuve, qui a donné son appui à Drainville. Et donc, Martine Ouellette et Pierre Serré se retrouvent pour l'instant sans appui de députés péquistes. Malgré tout, ces candidats ont des appuis populaires. Par exemple, Martine, il y a plusieurs personnalités politiques issues de divers milieux. ON, Parti vert du Québec, Nouveau Mouvement pour le Québec, la CSN, Convergence nationale, Mouvement Québec-Français, ils ont signé un plaidoyer en sa faveur en octobre dernier. Il y a aussi une trentaine d'indépendantistes de tous les horizons, du PQ, du Bloc, d'ON, de QS, d'étudiants, de travailleurs et d'artistes, qui ont accompagné Mme Ouellette à son lancement de campagne. Il y a aussi Jacques Fortin et Régis Parent, des professeurs au HEC. En fait, il y en a plusieurs là, du HEC, il y en a 5. Il y a Sylvie Legault, l'artiste, Philippe Bourque, ingénieur, Pascal Lavoie, Geneviève Marsan, Daniel Roy, Jessie Lauzon, le comédien, Michel Parent, président du syndicat des Cols Bleus de la Ville de Montréal. Il y a aussi l'auteur François Havard, celui qui a fait les Bougons. Et puis Jean Cloutier, ancien chef par intérim du Parti vert du Québec. Donc, c'est quand même des appuis, beaucoup d'appuis intéressants, ouais, pour Martine. Même, vraiment, ouais. D'ailleurs, c'est même elle qui a la liste la plus longue de tous les appuis populaires. Okay. Et peut-être même comme un appui non officiel d'option nationale, mais une ouverture du côté de QS. Mais en tout cas, on souhaite aux députés de lui donner sa chance. D'ailleurs, je vais faire une parenthèse tout de suite. Elle était à Shawinigan. Toi, c'est ta préférée, c'est pense, ma préférée. Hein? C'est ça, c'est on voit qu'on ouais. mousse. Fait que je vais en profiter puis je vais parler pour elle. Elle était à Shawinigan en fin de semaine pour proposer une Société québécoise des eaux. Oui. Puis même mieux que ça, elle veut la créer et la baser à Shawinigan, parce que pour elle, c'est un choix qui lui paraît naturel compte tenu de la place de la Mauricie dans l'histoire économique et hydrique du Québec. Mmh, tout à fait. Donc, c'est quand même bien. Et elle a fait aussi d'autres propositions, comme créer une division d'Hydro-Québec éolien à Gaspé et un réseau régional d'information par l'entremise de Télé-Québec. Donc, de doter Télé-Québec d'un bulletin d'information oui. qui traite de l'actualité dans toutes les régions. Mm-hmm. Ça serait bien, surtout que Radio-Canada coupe. Il faut récupérer les journalistes et cette compétence. C'est vrai, on n'a jamais eu de salle de nouvelles à Télé-Québec. Non, hein? Pourquoi? Parce que le CRTC appartient à une compétence fédérale. Donc, Télé-Québec a été privé de sa salle de journal. OK, donc on a juste le droit de faire des émissions d'affaires publiques, genre. Oui, d'information. Oui, c'est ça. Mais de l'information culturelle, pas de l'information politique. C'est ça, exactement. Mais pourtant, Télé-Québec, à la base, c'était supposé d'être ça, d'être une télévision nationale d'État. Mm-hmm. Ben, ça, on a juste à lui rendre ses armes. Comme Martine a dit à propos de sa Société des eaux, plusieurs pays à travers le monde ont besoin de faire des mises à niveau ou d'implanter des usines d'eau potable. Il y a plus d'un milliard, elle le rappelle, un milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'assainissement des eaux sur la planète. Donc, le Québec pourrait finalement peut-être devenir un leader là-dedans et acquérir une expérience pour l'exporter dans plusieurs pays. Donc, Martine, à suivre. À la place, nous autres, on va mettre du fluor dans l'eau à Trois-Rivières. Puis on va se faire traiter d'extrémistes. Ouais, ouais. Merci, Yves Lévesque. Merci, monsieur. On est 7500 à vous extrémiste. Dire. Extrémistes. Allez-vous-en donc, là. Ah, c'est ça. Tu sais, c'est qui est extrémiste? Aïe, aïe. Parlant d'extrémistes, on parlait de Pierre-Carl Péladeau. Ah, tiens donc. Il y a des appuis populaires qu'il a reçus. Claude Fournier, auteur et cinéaste. Denise Filiatro. Oui. Très connue. Flavie Payette-Renouf, réalisatrice, qui est la fille de Lise Payette. Okay. Le parti, la petite fille de Lise Payette. Il y a le Parti communiste du Québec qui a donné son appui à Pierre-Carl Péladeau. Quand même. Il y a aussi une lettre de 150 jeunes souverainistes. Il y a aussi Alain Lupien, l'ancien organisateur d'André Boisclair, Geneviève Descaries. Et puis Éric Bédard, avocat, frère de l'actuel chef intérimaire Stéphane Bédard. Et ancien conseiller politique de Jacques Parizeau, aussi historien nationaliste, très, très célèbre, ce Éric Bédard. Donc, c'est les appuis populaires de Péladeau. Alexandre Cloutier, quant à lui, a eu 118 jeunes qui ont signé un plaidoyer en mai dernier. Éliane Laberge, présidente de la Fédération étudiante de la FEC, en fait, lui a donné son appui, tout comme Patrick Fortier, président de l'association Péquiste de Lac-Saint-Jean, Vincent Graton, le comédien, Serge Denoncourt, metteur en scène. Donc, une petite liste d'appui populaire pour Alexandre Cloutier, mais c'est quand même une bonne, un bon départ pour lui. Pierre Serré, l'équipe signataire du programme de campagne du candidat regroupe plus d'une quinzaine de personnes, dont les trois personnalités suivantes, l'ex-député bloquiste Yves Lessard, l'ex-député bloquiste Claude Guimond, l'ancien vice-président de la CSN Roger Valois. En plus, Pierre Serré a reçu l'appui du député bloquiste de Jonquière-Alma, Claude Patry. Député bloquiste. Et puis, finalement, à Bernard Drainville, une soixantaine de jeunes, dont plusieurs membres et ex-membres d'exécutifs péquistes régionaux et même de l'exécutif national, ont signé un plaidoyer en septembre. Il y a Stéphane Gobeil, je crois, qui est l'auteur d'Un gouvernement de trop, qui a donné son appui à Drainville, tout comme Robert Lapointe, célèbre écrivain, en fait, c'est le président de l'association péquiste régionale Gaspésie-la-Madeleine, mais je crois que je me suis trompé avec le directeur de l'Action nationale, c'est Robert Laplante. Ah, c'est ça. Donc, c'est pas Robert Lapointe, désolé. Et puis Alain Dion, président de l'association péquiste du comté de Rimouski. Et il y a aussi des anciens élus du PQ qui ont donné des appuis. Pierre-Carl Péladeau récolte un premier ministre, 10 ministres et 11 autres députés. Cloutier, 2 ministres et 3 autres députés. Et Drainville et Martine, un député chacun, des anciens députés là, qui donnent leur appui. Maintenant, parlons argent. Oui. Les dons recueillis. Ce dont on n'a pas. Ouais. Sauf pour les députés de l'Assemblée nationale qui, oui, veulent augmenter leur salaire. Ben oui, pourquoi pas. Ça, ils ont de l'argent pour ça. Ben oui. On va couper à des endroits ridicules, là, puis on va se monter des salaires. On rappelle que la somme maximale autorisée par donateur à la course à la chefferie est de 500 $. Mm-hmm. Donc, les dons recueillis. Est-ce que je commence par le plus bas ou le plus haut? Ben, vas-y avec le... Ben, c'est comme tu veux, mais le plus bas, t'in. OK. On va monter. Pierre Serré, 12 000 $. Un don moyen de 119 $. Martine Ouellette, 31 000 $. Don moyen de 106. Alexandre Cloutier, presque 40 000 en dons recueillis pour un don moyen de 158 $. Bernard Drainville arrive deuxième avec 44 000 $ recueillis pour un don moyen de 162. Et Pierre-Carl Pelado, qui n'a pas déjà assez d'argent, ben à 8 millions par année comme salaire personnel, a recueilli 120 000 $ en dons recueillis pour sa campagne pour un don moyen de 154 $. Mais y a-t-il l'argent? Eh, c'est fou! Pour vrai! Fait que c'est peut-être pas mauvais, tu sais, qu'il soit là. Il attire le cash. Ah, c'est sûr. Il fait sortir du monde qui... Pour vrai, qui... vraiment. Il fait vraiment sortir des gens qui avaient comme perdu espoir à tout. Fait que moi, sérieusement, je comprends tout à fait les autres candidats puis les gens qui ont peur de l'arrivée de Pierre-Carl Pelado, mais moi, c'est que du positif, sérieusement. Mm-hmm. Pour le mouvement souverainiste, en, ouais, tout cas, que du positif. Pour une fois que la droite ou les indépendantistes économiques vont pouvoir se sentir un peu... Enfin, parce que c'était, ouais, toujours... Jamais eux autres, ils voyaient jamais d'avenir économique dans la souveraineté. Puis, mm-hmm, là, pourtant, là, ça va être... C'est carrément un autre pendant qu'on voit. Puis avec tout ce qui arrive avec l'austérité, avec comment Harper mène le pays, toutes les conditions sont là pour que les gens se rendent compte de la vérité en face de leurs yeux. Oui, oui. En tout cas. On en reparlera au budget, ouais, là, mais que ça sorte là, au mois d'avril. Les sondages. Oui. Pierre-Carl Pelado, en fait, en septembre, il y avait 53 % d'appui. Il est monté à 63 %. C'est lui, donc, qui est le premier, qui est le favori. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle Jean-François Lisée avait quitté, mm-hmm, parce qu'il n'obtenait qu'entre 2 et 4 %. C'était pas assez suffisant pour lui, donc il a laissé sa place. Bernard Drainville arrive quatrième selon le dernier sondage à 9 %, Alexandre Cloutier à 11 %, Pierre Serré à 1 % et Martine, c'est ce qui est impressionnant, à 10 %. Okay. Elle était partie de 5 % en septembre et là, elle vient de monter à 10 %. Donc, en tout cas, elle est dans une lancée. Oui, tout à fait. Alexandre conserve ses appuis. Bernard et Pierre les augmentent un peu, peut-être au détriment de Pierre-Carl. Et donc, c'est le premier débat demain soir qui va peut-être vraiment lancer cette course-là. Est-ce que tout le monde va être là demain? Oui, en fait, je crois que c'est obligé vu que c'est les débats officiels. Okay. Et c'est pour ça que le débat de Montréal était organisé la dernière fois par des jeunes de l'UQAM et c'était pas prévu dans la course officiellement. C'est pour ça que PKP n'était pas présenté était par pas une présent. TV. Exactement, Monsieur Télévision. Ah, mais tu sais, il check son image. Ah, ouais, ouais. Du meilleur profil. Vidéotron jusqu'au bout. Exact. Et donc, c'est ce qui termine mon tour d'horizon. Oui. J'avais l'intention de donner un court résumé de leur politique, mais je vais attendre un peu là, okay, que la course se lance et on reviendra éventuellement pour savoir... Qui parlent par eux-mêmes, ouais, un peu. Oui, ouais, c'est ça, pour savoir c'est quoi leurs idées, qui est d'accord avec qui. Parce que pour l'indépendance, on s'entend que normalement, les 5 candidats s'entendent que c'est urgent, oui, de faire l'indépendance, qu'on est mûr pour le faire. Puis plus qu'on attend, ben plus que ça nous met dans la merde. Parce qu'il faut subir l'austérité des libéraux d'un côté et la loi des terroristes de l'autre côté. On fait qu'on est comme pris dans un carcan. Là. On est vraiment dû pour... Ça fait longtemps qu'on est dû. Hein. Mais là, encore plus, c'est pire en pire. C'est pire en pire. Parce que le Canada qui fait de plus en plus de profits coupe dans les services aux provinces. Les transferts en santé puis en éducation baissent sans cesse chaque année, alors qu'on envoie de plus en plus d'argent. Ils se donnent de plus en plus de pouvoir, exactement, aussi. Sur même les trucs qui étaient de référence provinciale. Ils prennent de la place. Ils prennent de la place partout. Ouais. Même les autres provinces commencent à le décrier. Ils le disent eux aussi. Puis ça, c'est sans compter la structure même du cadre fédéral canadien actuel qui fait en sorte que les juges et les non-élus, c'est-à-dire comme le Sénat et les juges qui sont nommés par le parti au pouvoir, ont plus de poids, finalement, que tous les députés élus par la population. Donc, ce qui était faux là, quelques années. Là. Ils reprennent du pouvoir. Depuis la Constitution de 82, en fait, là, que Trudeau a comme donné plus de pouvoir finalement aux personnes non élues qu'aux personnes élues. Malheureusement, on pourrait appeler ça une pseudo-démocratie. Il faut appeler un chat un chat. Ouais, et donc il faut continuer d'avancer et j'espère que cette course-là à la chefferie va faire sortir les idées, va intéresser les citoyens à l'idée d'indépendance et peut-être leur redonner le goût de reprendre en main leur destin national. Et parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir en récupérant 100% de notre portefeuille puis en se disant responsable à 100%, là. Mm-hmm. S'il y a des erreurs, s'il y a des problèmes, s'il y a des malversations, oui, on ne pourra plus accuser Ottawa ou quelqu'un d'autre, là, de venir responsable entièrement. On a déjà entendu un maître chez nous? Oui, en 63. Ben, c'est ça, mais c'est toujours d'actualité. Ouais, ouais. Maître chez nous. Aïe, aïe, aïe, Jeff. Sur quoi on se laisse? On va se laisser en musique, hein, parce joyeuse. Que ça adoucit les mœurs, ouais, la musique. Une tune joyeuse, en plus, du groupe Zébulon, un groupe des années 90. Et donc, la pièce s'intitule Marie-Louise. Cette pièce me fait vibrer et danser à chaque fois que je l'entends. Et donc, pour ceux qui la connaissent pas, ça va devenir un classique de vos parties de jour de l'an, là, c'est sûr. Sortez vos cuillères. Puis tassez les meubles, là, chaque bar, puis on danse. Ouais. Donc, on y va. Merci encore, Jeff. Fait plaisir. Bonne semaine. On se reparle la semaine prochaine. On se voit demain au débat pour ceux que ça intéresse. Et puis, pour nous, le dîner de cons, c'est terminé. Puis, on va se reparler demain, 11h. Je vous laisse au bon soin de Zébulon. Il paraît que ça fait 20 ans qu'elle a pas pris un bain, que ses sous-vêtements se sont soudés ceux d'avant. Et il paraît qu'elle a des gales sur ses jambes et puis qu'elle les donnerait à manger à ses 70 sachants pour qu'ils vivent éternellement. C'est écœurant, Marie-Louise, la vieille femme du village est victime de commérage. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est pas vrai, mais va donc savoir l'histoire de Marie-Louise. Il paraît comme ses chats et ses féroces et ses voraces. La nuit, il faut qu'elle l'enfante dans une cage de brasse. Il paraît que c'est un énorme matou. Quand il est en diable, il saute au corps, il saute au cou, il peut griffer jusqu'à la mort. Celui qui ose aventurer près du décor de Marie-Louise, la vieille femme des moulins a fait placoter ses voisins. Mais moi, c'est le curé qui me l'a conté. Il y a tellement de oui tirs sur Marie-Louise. Il paraît aussi que ça sent le pipi, pis mieux vomi. Quand elle t'arrête, t'as demandé quelle heure tu peux être. Il paraît qu'elle mange de la bouffe pour les chats et puis qu'elle pareille à des sorciers dans la propre luche. Petite hutte, partout de foule, cours, petite cours, petite cours, cours, pour Marie-Louise, pour la vieille femme du village est victime de commérage. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est pas vrai, va-t-on savoir l'histoire de Marie-Louise.